Bonjour Internet, bonjour les autres, et bienvenue sur Formule Blabla, sur le YouTube, sur le Twitch, et même dans le futur en VOD et en podcast. Et si vous téléchargez le fichier audio dans votre répertoire, il sera même directement dans votre ordinateur. Voilà, c'est Formule Blabla est un parasite, ça peut s'infecter de partout. Bienvenue, et également, j'en profite pour vous saluer toutes et tous. Vous remercier d'être présent en ce qu'on m'a dit il y a quelques instants très naïvement, mais pourquoi tu streams un mercredi à 15h et il n'y a personne qui vient? Donc merci à ceux qui seront quand même là. Bonjour à Monsieur Percy qui se marre parce que j'ai pas osé dire que c'était lui, mais c'est lui qui m'a posé la question. Bah je demande, je pose. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas été ici. Il est possible que la dernière fois c'était il y a peut-être 2 ans. Oui, parce que dis pas que ça fait longtemps que t'as pas été invité, par contre. Ah ouais, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que j'ai un peu downgrade. J'étais devenu pas très recommandable, mais là je commence. Non, t'as été invité, c'est juste que tu viennes plus, c'est tout. Je peux pas, je travaille. Oh, la vie personnelle, tu sais, Mick. Oh, mais tu sais, franchement, le pit stop fait un peu plus de vues. Enfin non, mais voilà, je dis ça, je dis rien. Eh bien oui, je dois reconnaître, le pit stop fait plus de vues, donc voilà. Comment va mon cher Percy, mais qui est toujours quand même, puisque pour te représenter, tu es rédacteur historique d'un partenaire pour lequel je suis historique, mais qui ne l'est pas pour moi, de l'ami Formula, qui est décédé, parce que bon... C'est un site internet, donc ils n'étaient pas très importants face à une chaîne YouTube. Mais voilà, qui est également rédacteur toujours chez Feeder Series. Exactement. Bientôt un article qui sort sur de la Formule 4 française, extrêmement random. Mais j'écris toujours. Voilà, donc toujours un petit peu dans le circuit sans mauvais jeu de mots de tout ce qui est catégorie de promotion et qu'on peut toujours retrouver sur le Twitch Percy F1 et en VOD sur le YouTube Percy VOD. Exactement. Donc toujours, c'est vrai que du coup, bon, ça faisait peut-être un petit moment, mais il se passe toujours plein de choses dans le circuit des catégories de promotion, donc on va en parler, parce que je pense que on a pu constater quand même depuis ces 2-3 dernières saisons que ce qui se passe au sommet de la chaîne de la catégorie de promotion, donc à savoir la Formule 1, bah, a pas mal changé. Du coup, ça a très certainement des implications sur ce qui se passe en dessous. Donc on va essayer de toucher un petit peu au sujet, mais d'abord, histoire de se mettre dans le bain, histoire d'accrocher les gens avec des sujets qui sont plus intéressants, on va parler de Formule 1. Elle est bien cette saison, Percy ? Elle est bien, ouais, elle est même très bien. Bon, après... Verstappen, il domine, c'est chiant, hein ? Exactement. Donc à partir de là, la saison, elle est nulle, puisque Verstappen a 80 points d'avance. non, mais franchement, c'est bien. Enfin, je suis content. Je savais que la saison serait de mieux en mieux. Mais je pensais que ça allait se resserrer, genre vraiment en fin de saison. Et oui. Là, ça se resserre tôt. Donc c'est... Comme l'an dernier, tu vois. L'an dernier, ouais, trop. C'était vraiment sur le dernier quart de la saison qu'on avait Ferrari qui commençait à prendre des pôles. Enfin, à partir de la trêve estivale, quoi. Enfin, à la fin de la trêve estivale. Ouais. Mais là, à ce rythme-là, on n'aura peut-être pas Red Bull champion, vu qu'il n'aligne toujours qu'une seule voiture pour une raison que j'ignore. Donc c'est vrai que ça rend les choses intéressantes. Red Bull qui a décidé de pimenter son championnat de cette façon. C'est l'orgueil. Je regardais le championnat. Alors attends, je vais me le remettre juste sous les yeux, histoire qu'on ait tous... Donc Verstappen, comme tu le disais, c'est un peu plus de 80 points d'avance au championnat du monde des pilotes. Non, même pas 65 et 11, ça fait 76 points d'avance sur Lando Norris. Et Red Bull, de leur côté, on est à 61 points d'avance sur McLaren. Après un week-end où, du coup, bah, Red Bull est la quatrième équipe du week-end, puisque c'est McLaren qui a mis le plus de points devant Mercedes et Ferrari. Donc, c'est la troisième fois que ça arrive cette année, après Monaco et l'Australie. Donc, on n'est pas à l'abri toujours qu'il se passe... de très bonnes choses chez Red Bull, mais c'est vrai que là, ça a été un week-end assez dur, donc pratiquement plus de 30 points de repris pratiquement sur ce simple week-end, et on va voir ce que ça donnera ce week-end à Spa-Francorchamps. On a une hiérarchie qui est instable, et au final, c'est ce qui peut arranger Red Bull, c'est que un coup Mercedes, un coup McLaren, on a vu qu'il y a même eu une phase où c'était Ferrari, Ouais, mais j'ai l'impression, enfin, quand même, depuis 3, 4, 5, en fait, depuis Miami, globalement, c'est quand même très souvent McLaren, c'est juste que McLaren, ils se foirent un peu tout le temps, tout comme ils auraient pu encore se foirer ce week-end, mais ils avaient trop d'avance, donc ils pouvaient jouer à la radio et faire mumuse à la radio, mais en soi, c'est quasiment tout le temps McLaren qui rivalise avec Red Bull, en vrai. Bah, c'est l'opérationnel hein, qui est le plus difficile chez... Bah, ils ont pas l'habitude de jouer les titres, hein. C'est une petite équipe, voilà, ils ont pas beaucoup d'histoire. Voilà, forcément, bon, c'est un peu compliqué, mais voilà, ce genre de petites équipes, ça va venir avec l'expérience, avec le temps. Et tu sais, quand même, faut remonter à 2012, pour la dernière fois, ils gagnent plus d'une course par saison. Hein, donc, Ah ouais, oui, bah oui. Oui, du coup, oui. Non, donc ouais, enfin, c'est... logique, oui. Et du coup, vu que cette année, c'est les premières victoires d'Andrea Stella en tant que directeur d'équipe, pardon, bah, ça correspond à peu près au moment où lui, il était en train de gagner, mais avec Ferrari à ce moment-là, en tant qu'ingénieur de Fernando Alonso. Oui. Donc, j'ai une petite pensée pour Andrea Seidel, qui est quand même parti de McLaren pour aller au très prometteur projet Sauber Audi. Et qui ne fait plus partie du projet Audi, qui commence dans un an et demi. Bon, alors, voilà. T'as lancé le sujet de merde, donc je te laisse partir dessus. Est-ce que t'as compris ce qui s'est passé ? Parce que moi, je ne l'ai pas vu arriver, et bon, je n'ai pas pris le temps d'aller poser des questions aux copains, mais ça sort d'où ? Est-ce que tu sais quoi que ce soit de plus ? Bah alors, moi non plus, j'avais pas non plus trop suivi. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des guerres de pouvoir entre Andreas Seidel et... Hoffman, qui était l'un des autres gros chefs de Audi en F1, et que du coup Audi a décidé de virer les deux. Voilà, de faire table rase. D'accord. Et faire table rase alors que ton projet a même pas débuté. J'avoue que c'est encore plus puissant que ce que nous fait Alpine tous les 6 mois, quoi. Enfin, c'est quand même un level au-dessus. On a peut-être trouvé. Peut-être que Audi veut devenir l'Alpine allemand au final. Hein. Mais alors là, c'est un projet ultra ambitieux, s'ils font ça. Hein. Allez savoir, 2026, on va arriver avec une équipe Audi Sauber Ferrari. Audi Sauber Ferrari. Tu vois, enfin, ou j'ai mieux, Sauber Audi RBPT Honda. Oui, c'est vrai que Honda aussi, oui. Ben oui, RBPT Honda. Ou Ford, enfin bon, bref. Tout ça pour dire que ça sort vraiment de nulle part. Et tu vois, le truc, c'est pas juste. Dégage Andrea Seidel, qui a quand même sauté de bord de McLaren en pleine ascension pour retrouver Audi. C'est en plus de ça, il est remplacé par Mattia Binotto. Et puis Binotto, il a l'air d'être pas que directeur technique, genre vraiment le directeur. Oui, il n'arrive pas. Il y a un moment. Je suis persuadé que tout le monde dans le paddock se dit « Mais quoi ? D'où tu vas chercher Mattia Binotto ?» Le gars qui n'avait rien à foutre à la tête de Ferrari, qui était une catastrophe ambulante en termes de com, tu vas aller le chercher. Et tu vois, tu te dis « Bon, connaissant la politique chez Ferrari, tout ça, tu peux lui laisser le bénéfice du doute, à dire, ouais, mais attends, d'un côté, on ne l'a pas laissé vraiment faire ce qu'il voulait sportivement parce qu'il y avait des décisions en parallèle, tout ça. Chez Audi, ce ne sera pas pareil. Mais quand même, ça renvoie une image assez désastreuse, quoi, de mettre ça. Bon. Je veux dire, il n'y a pas trop d'ambition, alors que Seidel, c'était quand même un nom qui claquait, qui avait un palmarès, ouais. Qui a participé. Après, c'est peut-être pas non plus l'ascension de McLaren, c'est pas que lui, etc., mais... Enfin, passer de Seidel à Binotto, va falloir se mouiller la nuque. Hein. Et puis moi, je pense surtout à Nico Hülkenberg. Quand il a signé chez Audi, il disait « Honnêtement, j'ai beaucoup discuté avec Andreas, j'avais essayé l'an dernier déjà, mais il avait été très clair qu'il fallait que je lui prouve que je méritais ma place. Là, il allait me chercher, donc ça montre la confiance. Et moi, j'ai beaucoup de confiance en lui dans le projet, on se connaît bien. Et là, Ouais. Hülkenberg, il est en train de voir les voitures vertes où t'as Bottas et Joe qui, tous les week-ends, tirent la gueule parce qu'ils n'ont pas d'amélioration. Ouais, mais ils sont Où on rigolos a... sur les réseaux sociaux. Oui, ils Donc ça sont drôles sur compense. Instagram, ça Ça compense. compense. Où tu as un choix d'un second pilote qui finalement se fait tarder parce que ça fait pas vraiment envie d'aller dans cette équipe. Et maintenant, en plus de ça, tu ramènes Andrea, enfin, tu dégages Seidl pour Binotto. Ouais, Et je... tu vois, J'ai... même à l'Unibravi, si tu veux, j'aurais fait croire que à l'Unibravi, qui on le rappelle, hein, était le remplaçant provisoire de Vasseur, qui était là pour servir un peu d'intérimaire en attendant que Audi implémente quelqu'un, bah même lui, en fait, j'aurais été dire, bon, ce sera à l'Unibravi qui continuera de chapeauter le projet F1 et voilà, de dire on trouvera quelqu'un plus tard, plutôt que d'aller confirmer Binotto. Ou alors Binotto, tu le prends, mais tu fais au moins genre que c'est pour le département moteur qui est Oui, ultra. voilà. Voilà, enfin, Binotto, Oui, comme ingénieur, il n'y a aucun souci, Binotto, mais c'est le seul crédit qu'on lui a vraiment donné au cours de ces dernières années. Donc, ouais. ouais. Et après, je sais pas, j'ai vu des gens, mais je n'étais pas convaincu du tout, qui disaient sur Twitter que ça serait peut-être pour attirer Sainz, parce que Binotto, il adorait Sainz, etc. Mais je vois absolument pas comment c'est. Je vois pas pour Est-ce que qu'est-ce ça qu'on vaut la aurait. peine? Est-ce que Ouais. ça vaut la peine de Ah, prendre genre. Binotto à la place de Seidl juste pour espérer Juste pour avoir Sainz. Carlos Sainz? Enfin, attention, hein, Carlos Sainz, c'est très bon. Mais il y a un moment, est-ce que ça vaut la peine de sacrifier une partie de ton projet juste pour récupérer un pilote alors qu'on ne sait même pas si tu seras capable de faire des top 8, quoi? Ouais, top. Enfin, ouais, de toute façon, 2025, ça va être la mort. 2026, il va y avoir un nouveau moteur, donc ça va être compliqué. Ils vont partir de zéro. Je pense que c'est pas pour rien que Alpine, voilà, hein, le moteur Renault, voilà. Donc, ça va pas décoller avant quelques années, a priori, le projet. Donc, Pas être et c'est pressé. difficile d'être optimiste, hein, quand même. Alors, oui, enfin, pour Alunibravi, pour répondre à la question, est-ce que c'était temporaire comme Famin ou temporaire? Là, c'était vraiment, de ce que j'avais compris, temporaire, mais pour un an ou deux, quoi. Donc là, ce sera à surveiller. Bref. Je sais même pas pourquoi on est parti sur le sujet Audi, mais c'est clair qu'on a un marché très rigolo. On parlera peut-être de Alpine à l'occasion dans l'émission, on verra. Mais présentement, on a aux avant-postes un opérationnel, comme on disait, un peu délicat chez McLaren. Où c'est vrai que c'est vraiment une question d'opérationnel, hein, parce qu'ils ont, je pense, tous les éléments. Et quand je dis opérationnel, je pense même à Lando Norris, qui fait un excellent boulot depuis toujours, mais où soudainement, comme son équipe, quand on commence à être aux avant-postes, bah, on sent que c'est pas la même pression. Parce que potentiellement, hein, on pense à l'Espagne, on pense à ce week-end, des départs qui sont pas terribles. Ouais, je pense qu'il y a quand même un gros souci au niveau des départs quand même, hein. Enfin, c'est vraiment pas la première fois, ou soit qu'il n'arrive pas à doubler Verstappen, ça c'est excusable, ou soit qu'il se fait doubler par Piastri maintenant, enfin, c'est à chaque fois il perd des positions maintenant en fait. Il fait beaucoup de pôles, ça il n'y a pas de souci, mais. Surtout que l'Espagne, pour moi, ça peut s'excuser parce qu'on a vraiment une très très longue ligne droite jusqu'au premier freinage, t'as l'aspiration, tout ça. Mais là, moi, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est sa manœuvre sur Piastri au départ, où t'as vu, il va presque le foutre dans le mur, Ouais, et en au mode final, Schumacher il laisse Barrichello Verstappen à le l'ancienne. déventer par la gauche, quoi. Ouais. Donc, et honnêtement, je pense, enfin. Bon, je sais pas, mais ça tenait finalement qu'à la direction de course de laisser Verstappen passer Norris, quoi. Donc, bon, c'était pas très malin. Et dans ce genre de situation, pour vraiment peut-être apprendre à la jouer politique d'équipe, ou si tu te fais déborder par ton coéquipier, bon, bah, tu t'avales de travers, mais tu fais attention à ce qu'au moins tu restes 1 et 2 et pas finir 1 et 4, quoi. Ah, au final, Donc, en bon. plus, c'est surtout là où il perd sa victoire, en fait, c'est au départ. Parce que tous les Ah trucs de oui, totalement. stratégie après, bah, ça Ah, le. découle du fait qu'il a perdu la place au départ. Oui, et parce qu'il avait un rythme de course formidable. Hein. On regardait ça hier soir, justement, en préparant le débrief. Il a un excellent rythme de course. Donc, encore une fois, le boulot est là. Mais ça se joue sur ces petits détails où il faut vraiment être parfait tout le long. Et c'est quelque chose que, bah, justement, Andrea Seidel a dénoncé à l'amorce de ce week-end en Hongrie, en disant que ben, ils avaient peut-être la mauvaise politique à constamment regarder la globalité de la course pour essayer de comprendre où ils avaient perdu. Ben, ils se sont dit, ouais, mais non, maintenant on est à un niveau où il faut regarder les endroits précis et plus la globalité, en fait. Parce que le sketch, le schéma global de la course est très bon, mais c'est dans les détails que ça se perd. Et donc maintenant, on va passer tout ça à la loupe, au microscope. Et bon, visiblement, pour ce week-end, on ressort avec un doublé, donc c'est très bien. Faudra voir s'ils sont. Ah oui, j'ai dit Seidel, pardon. Oui, Oui, je voulais dire Stella. c'était là, oui. Ouais. Il y avait trop d'Andrea chez McLaren, on a parlé de Seidel à l'instant. Ouais. Pas bon. Ça peut promettre pour la suite de cette saison avec. Ben, on va peut-être commencer un petit peu par là, cher Percy, puisque il y a des rumeurs qui sous-entendent que Red Bull pourrait chercher un second pilote pour rapporter des points à l'équipe sur le reste de la saison. Donc on pourrait parler dès la reprise à l'intersaison. On sait qu'il y avait une clause contractuelle qui est apparue, Voilà, que c'est-à-dire oui. qu'il y a quelqu'un chez Red Bull un jour qui a dit, tiens, si j'envoyais le contrat de Perez sur Google Drive, il y a un truc avec. Enfin, je ne sais pas qui l'a eu ni d'où, mais voilà. Donc, pour rappel, hein, il se dirait que dans ces clauses, si Perez est à plus de 100 points et ou 5 places de retard sur Verstappen au championnat, Red Bull peut casser le contrat de Checo. D'ici Spa. Ouais, Bon en sachant que ben, Spa, du Perez coup, a tu. rempli toutes les il a rempli toutes les coches, Perez, là, c'est bon. Ouais, en soi, c'est mathématiquement possible, je pense, qu'il soit encore sixième après Spa, Et je ben, pense. s'il gagne et que Hamilton fait pas de podium Et et que Piastri aussi, non? Piastri marque pas de points, ouais. Ça se Ouais. tente. Ouais, bon. Quoique mathématiquement, non, même s'il gagne, il sera toujours à 110 points de Verstappen. Oui, mais je pense que ça doit être. Il faut remplir les deux clauses en vrai, je pense. Ouais, je sais S'ils veulent pas. casser son contrat, ils le Oui, casseront. de toute façon. De toute façon. Hein. Ouais. Non, parce que, après, honnêtement, il a fait un bon week-end jusqu'à son crash, ce week-end, Perez. Il était dans le rythme, il a Non. eu un très bon rythme de course. Mais bon, est-ce que c'est le réveil trop tard, tout ça, trop peu, trop tard, comme on dit? Enfin, Donc, c'est bien d'être rapide sur les essais, c'est bien d'être rapide en course, pendant la etc. Mais course? bon, quand tu te crashes en Q1 et que ça coûte encore je ne sais combien de centaines de milliers de dollars, au bout d'un moment, t'as beau apporter Mais là, l'argent on de est sur Carlos du six Slim. chiffres, hein. Enfin, je. Ouais, C'est même si pas Carlos assez. Slim paye, je pense que c'est. Alors, attends, F1 crash cost. J'ai vu réémerger un tableau là récemment. Je ne sais pas si Ouais, c'était partagé. c'est Ouais, permis du je l'ai jour vu. sur Reddit. J'avais vu Mais un ouais, truc je comme quoi crois qu'on est à Gasly peu près avait. à 5 millions. Ouais, Oui, quelque chose Gasly comme est ça. à zéro. Gasly à zéro, puisque c'est vrai que Ardoise c'est blanche. comme l'avait dit quelqu'un sur Twitter, peut-être Formule X, vu qu'il abandonne tout le temps en tour de chauffe, bah c'est vrai que c'est plus efficace, quoi. Ouais, il coûte qu'en moteur et vu que c'est pas lui qui les casse, ça va. Eh. Alors, oui, alors bon, non, ça c'est pas bon. Mais même déjà l'an dernier, il était dans le top 3 derrière Sargeant et Sainz, à 3 millions. Sainz? Ah, il en a cassé Sainz l'an dernier. Ah ouais? Ah oui, Pas on comme ça, oublie le début de saison, mais il nous fait le Canada, je crois, où il se fout une grosse boîte. Ouais. On a eu, je sais pas si c'est pas Jeddah, mais en tout début de saison, il nous en fait une. En fin de saison, je sais qu'il en fait deux. Leclerc, on avait fait, mais sur la fin de saison, c'était okay. beaucoup plus propre. Ok, ok. Mais ouais, bon, là cette année, bon, c'est très propre chez Ferrari. Enfin, Leclerc l'a cassé ce week-end, mais à part ça, c'était pas mal. Bon, 3,6 millions le premier apparemment. Ouais, je sais pas. Je sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais bon, dans tous les cas, ça reste des estimations, hein, encore une fois. C'est rien d'officiel, mais c'est pas des estimations qui sont faites. Les gars qui font ça, je pense qu'ils bossent un peu leur sujet, sachant à peu près en se renseignant à peu près sur le prix moyen de coût de fabrication d'une pièce. Voilà. Mais donc, ça commence à coûter, et sur les théories de ce potentiel remplacement, ben, on avait naturellement Daniel Ricciardo, puisque c'est un grand copain de Christian Horner, qui il a jamais voulu rompre la relation, Christian. Il a jamais voulu perdre son Daniel. C'est mignon. Mais il y a un petit souci, peut-être, qui se pose aussi, c'est que là... Comme j'en plaisantais il y a quelques jours en live, on pourrait se retrouver à Melbourne 2025 avec Lawson Sainz dans la Red Bull et Adjar, je sais pas qui, dans la RB. Parce que c'est plus ou moins n'importe quoi chez Red Bull en ce moment. Tsunoda, j'oublie Tsunoda. Ouais, il pourrait mettre un peu n'importe quoi. Tous les baquets paraissent un peu interchangeables. Et ouais, sur un coup de tête, ils pourraient faire un peu tout ce qu'ils veulent. Donc, oui, parce que c'est avant Silverstone, ou non, même avant ce week-end, je ne sais même plus, que d'un coup, il y a quelqu'un qui a dit Lawson Adjar chez RB l'an prochain. Ouais. Je ne sais plus d'où ça sortait, mais il y a quelqu'un qui a sorti ça. Non, mais c'était sérieux, c'était Automotor und Sport. Donc, c'est quand même... Un média oui, c'est normalement. Je comprends. En fait, je comprends pas ce que veut faire Red Bull avec son deuxième baquet. Genre, quel est le plan? Quel est l'objectif? Est-ce qu'ils veulent quand même préparer un peu l'après Verstappen? Ou est-ce que pour l'instant ils focusent tout sur Verstappen? On met n'importe qui. On met n'importe qui à côté du genre Lawson, parce qu'il y a quand même des rumeurs que Lawson aille directement chez Red Bull à côté de Verstappen, où ça risque d'être un carnage absolu. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que pour l'instant, ils sont très focus sur tout sur Verstappen, et puis bah, quand il partira, bah, on verra après, quoi. Ouais, bah, honnêtement, je pense qu'à ce stade, ils cherchent juste n'importe quel bon pilote, hein, parce que naturellement, ils doivent être rassurés à l'idée que Verstappen veuille rester, mais... Moi, je ne prends pas totalement à la légère les possibilités de le voir partir, peut-être pas en fin d'année, mais peut-être pour 2026. Donc, pour moi, surtout fin 2026, avec Mercedes qui commence à montrer des trucs assez crédibles. Et puis alors, surtout, voilà. S'ils sont vraiment confiants, Mercedes, avec leur moteur 2026, bah, Verstappen, Red Bull, ils vont devoir créer un moteur. Alors même s'il y a l'aide de Ford, ils ne s'y connaissent pas vraiment. En F1, dans la technologie hybride, des moteurs hybrides en F1, etc. Peut-être que Red Bull, ça va être compliqué en 2026. Hein. Et puis, il en parlait il y a quelques mois encore, Verstappen, de son inquiétude à l'idée de savoir que ça va être une réglementation moteur, purement moteur, comme en 2014. Bah ouais. Alors, tiens, on va retrouver les chiffres. Merci à Ico dans le chat. Donc, on est à Pérez, 3,6 millions, Albon, 2,3 millions. Joe, 1,4 million. On parlera du cas de Joe. Hein. Sargent, Ricardo, 1,2 million. Alonso Stroll, 1,1 million. Stroll, je croyais que c'était son argent de poche, ça. Bref, voilà. Et quand on regarde tout en bas, bon, c'est des petites casses, donc rien de méchant. Ça, c'est un petit aileron par-ci, un bout d'aileron par-là. Voilà. Pour les Bottas, Hamilton, Sainz, Hülkenberg, tout ça. Donc, voilà. C'est quand même énorme, hein. 3 millions 6, on est à 13 courses sur 24. Mais surtout, c'est à jour de après la Hongrie, ça? Alors attends, ça a été posté par le compte Pugfunactufre le 22 juillet, donc dimanche matin. Ouais. Donc je ne sais pas si ça prenait en compte. Naturellement, vu que c'est sourcé, je peux te dire d'où vient l'image exactement. Oh pardon, c'était gratuit. Ouais. Non, pas de source. Mais bon, c'est, de toute façon, c'est du Reddit dans tous les cas. Maintenant, reste à voir qui. Ça, quand. Le Nico avec un C, bien vu. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette situation? Moi, j'expliquais que le casse-tête est d'ordre politique, dans le sens où Horner veut vraiment reprendre son Ricardo, parce que chez RB, on veut vraiment conserver un duo jeune. Mais qu'il y a la question plus ou moins morale de se dire que ben, d'un côté, il y a Tsunoda, qui est un jeune de l'académie, qui montre des choses intéressantes. Mais que d'un autre côté, Tsunoda, c'est le côté autrichien de Red Bull, qui est un petit peu en guerre avec le clan thaïlandais Horner. Donc, ça ne fait pas très bon. En plus, c'est Honda qui part fin 2025. Donc, Tsunoda, je le sens dans une mauvaise position. Lawson, pareil, c'est le clan plus Marco, puisque c'est un jeune pilote de la Red Bull Junior Team. Et de même pour Adjar. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je vois le dilemme autour de cette problématique avant d'être des dilemmes de performance. Maintenant, est-ce que toi, tu vois les choses différemment? Qu'est-ce que tu peux penser des mouvements qu'on peut potentiellement voir? Bah, je pense, rien que pour en revenir sur le cas de Tsunoda, je pense qu'il serait un très bon numéro 2, enfin, qui pourrait être en tout cas, qui pourrait remplir la place, qui pourrait prendre la place de Perez, mais c'est qu'en fait, il est dans un entre-deux un peu bizarre, Tsunoda, puisque Tsunoda, c'est avant tout d'être un pilote Red Bull, un pilote Honda. Ouais, comme tu l'as dit, Honda se barre à la fin de l'année prochaine. Donc, il ne représente pas vraiment l'avenir et il ne représente pas non plus un potentiel après Verstappen. Enfin, je peux peut-être me tromper, mais j'aime bien Tsunoda, mais ça va être compliqué quand même de marcher dans les pas de Verstappen. Ceux qui pourraient potentiellement remplacer Verstappen dans le futur, en toute objectivité, bien sûr, ça serait du genre... Exact. Oh, mais comment t'as deviné? Non, mais enfin, des jeunes de l'académie, donc ou Adjar ou Arvid Lindblad, qui est encore en F3, qui est encore très jeune, mais voilà, enfin, des jeunes qu'il va falloir à un moment préparer, qu'il va falloir placer en F1 à un moment, puisque fin 2026, tu risques de te retrouver un peu gros gens comme devant, comme dirait l'autre. Donc, Red Bull est dans une situation un peu compliquée. C'est sûr qu'il y a voilà, cette guerre de clans, Horner, Marco, pour schématiser ça, même si c'est un peu... Enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi des personnes un peu intermédiaires, style Guillaume Roclin, l'ex-ingénieur de Vettel, qui maintenant est en fait celui qui est vraiment en charge du Red Bull Junior Team dans l'opérationnel, qui est vraiment celui qui est proche des pilotes, et il est à la fois proche de Marco, à la fois proche de Horner, donc c'est pas non plus si manichéen, c'est pas non plus si, oui. Si noir et blanc. Donc, c'est pour ça que je pense que Adjar et Lindblad, par exemple, je pense qu'ils auront leur chance à un moment, mais que pour 2025, chez Red Bull, on met qui? Ça peut être ou soit Tsunoda, mais voilà, j'y crois pas, parce que je pense voilà, il est trop estampillé Honda. Ça peut être Ricciardo, mais honnêtement, les performances ne plaident pas vraiment en sa faveur. Ça serait très mal reçu, je pense. Oui, il y a le côté Liam Lawson, mais ça paraîtrait du suicide complet de mettre un rookie dans la Red Bull. Ou alors, c'est vraiment que pour le mettre, enfin, vraiment dans l'objectif de le flinguer et de s'en débarrasser au plus vite, en mode, regardez, on lui a donné sa chance. Bon, allez, les plus prometteurs, vous venez, on vous donne votre chance maintenant. C'est un dilemme médiatique aussi derrière. Hein. Parce que quand même, tu dis Yuki Tsunoda, parce que l'image quand même que Red Bull veut avoir, c'est d'avoir son Red Bull Junior Team qui sert à un truc, avec une échelle qui est assez claire, F3, F3, F2, généralement maintenant Super Formula, et ensuite RB. Ouais. puis si tu es assez bon Red Bull. Alors que là, on aurait un Lawson qui, directement, après 3-4 courses de remplacement, où il a été très bon, on le promouvoit directement dans le top team. Et puis surtout, Lawson, en un an et demi, il a fait 5 courses, quoi. Il doit être un peu, surtout voilà, 2024, il a absolument pas couru. Le mettre directement dans une équipe qui joue le titre avec, en plus, enfin, si on parle vraiment d'une arrivée à la pause estivale à Zandvoort, avec la pression du titre constructeur, puisque c'est au final ça que Red Bull est en train de perdre actuellement, c'est, enfin, je sais pas, ça me paraît juste complètement impensable. Le seul, voilà, qui pourrait avoir les épaules pour ça, je pense que ça serait Tsunoda. Ricciardo, bon, il pourrait avoir les épaules pour ça du côté mental, vu que bon, il a déjà vécu certaines choses assez dures, mais au niveau sportif... Mais en fait, ce qu'il y a en plus le gros dilemme qu'a Red Bull, parce que là, je souligne le message de Justine, pour moi, Yuki n'est pas meilleur que Perez. Moi, c'est une question sur laquelle je ne me poserai pas, parce que Perez, je reste convaincu que tu le mets dans n'importe quelle autre voiture que la Red Bull, il est très bon. Il n'a pas disparu non plus, ce pilote-là. Mais le problème qu'on a chez Red Bull, c'est que la manière dont on développe la Red Bull pour aller dans le sens verstappenien, même si je n'aime pas trop défendre ce narratif, ça reste quand même un fait. La voiture et les autres n'arrivent pas à la piloter, cette Red Bull, dans la manière dont elle se développe en courte saison. Et arriver en plein courte saison dans une voiture où un pilote plein d'expérience comme Perez est encore paumé, mettre Tsunoda dedans, est-ce que ça serait une garantie de réussite? C'est pour ça que la seule alternative qui pourrait être pertinente, c'est essayer un autre pilote d'expérience. Ricciardo, qui est très bien depuis quelques week-ends, depuis la Chine, où on lui a changé. Très très bien. Je vais corriger. Je veux dire que Ricciardo est aussi bien que Tsunoda dans ses bons week-ends, il est au-dessus dans ses très bons week-ends, et dans ses mauvais week-ends, il est nulle part. De chez nulle part. Alors que Tsunoda, c'est plus ou moins toujours stable. Parce que là, ce week-end, pour moi, Tsunoda était clairement en dessous de Ricciardo dans la globalité, tu vois. Mais tu remontes à Silverstone, Ricciardo est strictement nulle part. C'est le problème un peu Ricciardo, c'est que il peut avoir des hauts plus hauts que Tsunoda peut-être, mais des bas vraiment très bas. Je le perçois ainsi. Et du coup, c'est vraiment pratiquement une situation sans issue réelle, j'ai l'impression. Ils auraient pu avoir une issue, ce qui aurait été de chercher un Carlos Sainz. Mais visiblement, Red Bull n'est pas prête et veut vraiment un numéro 2 à côté de Verstappen. Et Sainz, ça aurait été un numéro 1 bis, un peu comme il est actuellement chez Ferrari. Et c'est pas ce que recherche Red Bull. Tu crois que Carlos Sainz arriverait à aller emmerder Verstappen sur son terrain? Pas tant à l'emmerder sur le côté de la piste, mais plutôt en côté politique quand même. Sainz, en interne, il l'emmerderait. Voilà. Mais sur la piste, j'y crois pas une seconde. Ça serait compliqué, c'est sûr. Faut rappeler que la dernière fois, justement, une des raisons pour lesquelles Red Bull veut pas de Sainz avec Verstappen, c'est que chez Toro Rosso, ils se sont retrouvés avec Jos Verstappen et Carlos Sainz Senior face à face à défendre les intérêts de leur gamin. Et c'est des monstres politiques, ces deux-là. Et c'est des monstres tout court. Et derrière, on a des gamins qui ont bien appris des parents. Et c'était pas la joie en interne chez Toro Rosso. C'est une des raisons pour lesquelles on veut plus de Sainz dans une Red Bull tant que Verstappen sera là. C'est pas une cohabitation qui est possible pour tout ce que ça amènerait autour. Mais après, dans l'idéal, ça pourrait être un très bon pilote qui pourrait ramener le titre constructeur. Mais Visiblement, Red Bull ne veut pas trop de ça. Donc ouais, peut-être la solution, c'est voilà, Ricciardo, un pilote qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui connaît la maison, etc. Mais il n'y a pas cette notion de mérite qui est si chère normalement à Red Bull de « si t'es mauvais, tu dégages, si t'es bon, t'es promu ». Il n'y a pas ça, quoi. Donc ça piquerait un peu, quoi. Alors moi, il y a Mangeux qui a la solution qui me convient très bien, qui prenne Alonso. Oh, grave. Hein. Grave. Non, mais tu vois, je disais à l'instant que Red Bull ne veut pas de merdier politique en interne. Là, c'est bon. Mais en plus, en vrai, le pire, c'est qu'Alonso et Verstappen s'entendent très bien. Parce que c'est les mêmes animaux politiques et un peu les mêmes personnalités. Un peu sans langue de bois. Après, en interne, je ne sais pas comment ça se passerait, mais ce serait sûrement très différent. Mais je ne pense pas que Red Bull veut d'un Alonso. Même si, pour le coup, je pense que s'il y a bien deux ou trois pilotes sur le plateau qui pourraient arriver à performer dans la Red Bull, Alonso en ferait partie pour moi. Mais par exemple, je vois quelqu'un qui dit « Ouais, au pire, laissez Pérez », mais bah voilà, pour moi, justement, les performances actuelles de Pérez, c'est plus du tout suffisant, en fait. Enfin, voilà, il est en train de faire perdre le titre constructeur. Après, que ça soit de sa faute ou de la faute de Red Bull, enfin, c'est toujours un mélange un peu. Mais moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est voir un petit Nico Hülkenberg, qui, je pense, pourrait faire le taf. Moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien, surtout que là, peut-être que Hülkenberg va se sentir trahi de que Seidel se soit fait virer de chez Audi. Ouais. Pourquoi pas ? Alors, tu vois... C'est pas enthousiasmant, c'est sûr, mais ça serait un pilote expérimenté. Pour moi, ça l'est. Parce que moi, Nico Hülkenberg, je le préfère... Pour moi, Nico Hülkenberg a toujours été meilleur que Pérez, globalement. Et en 2021, enfin en 2020 pour le baquet Red Bull, en tête de liste de mes préférences, il y avait Hülkenberg. Mais bon, la logique voulait que ce soit Pérez et ça a été Pérez. Mais Hülkenberg, j'ai du mal à envisager qu'il puisse arriver à s'adapter à cette Red Bull. Je sais pas. C'est pas vraiment ce type de pilotage, j'ai l'impression, Hulk. Parce que pour moi, je l'ai. C'est pas toujours, mais quand il était dans des voitures qui lui allaient moins, il n'était pas autant à l'aise qu'il pouvait l'être que quand il a une voiture qui lui convient. Mais bon, bref, dans tous les cas. Ça reste encore plus du domaine de la fantaisie. Et du coup, on en revient presque pour fermer un petit peu l'entonnoir. Si on part du principe qu'il y a trois baquets sur quatre de verrouillés et qu'il en reste qu'un seul, donc celui détenu par Ricciardo, on a virtuellement trois pilotes avec Lawson et Hadjar qui pourraient se le disputer. Comment tu vois les choses ? Je vois pas les choses. Je vois pas. Personne les voit. C'est une catastrophe. Dans un monde normal, on devrait avoir Lawson Hadjar chez Visa Cash App, etc. Racing Bulls. Et voilà. Tsunoda chez Red Bull. Un Tsunoda chez Red Bull et Ricciardo out. Normalement, c'est ça. Et c'est pour ça que j'étais bien d'accord avec ce que disait Automotor und Sport la semaine dernière. J'étais en mode, bah oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais je ne vois pas ça arriver. Je ne vois pas Tsunoda chez Red Bull arriver, en fait. Oui, c'est ce qui... parce que ça va plus être là ma question, parce que j'avoue que je ne l'ai pas spécialement lu, l'article. C'est ce qu'ils théorisaient ou c'est ce qu'ils... Bah, Je la refais. Ne fous pas de ma gueule. C'est ce qu'ils théorisent ou c'est ce qu'ils suspectent. C'est dur à dire. C'est très dur à dire. De ce que j'ai compris, c'est ce qu'ils suspectaient. Mais j'imagine aussi que ça doit changer un peu tout le temps. Il y a quelques semaines, on disait que Red Bull voulait prêter Lawson ou Hadjar à Audi. Enfin, on entendait des trucs comme ça. Ah donc... oui, c'est vrai. Enfin, Et puis sinon, pour ce que je vois, ça parle beaucoup de Vettel. Laissez-le avec ses abeilles. Enfin, je veux dire. S'il vous plaît, non. Non. Et puis, enfin. Pas Vettel, s'il vous plaît. Déjà, pour moi, Vettel, il est parti un peu trop tard. Franchement, le mettre à côté de Verstappen. Non. Enfin, voilà. il est sorti un peu tard, mais au moins il est sorti convenablement. Ouais, voilà. S'il vous plaît, on est parti avec un Vettel qui a une très bonne image, alors ouais. Que franchement, il ne la mérite pas, sa bonne image, vu sa fin de carrière. Enfin, il a eu une très bonne fin de saison 2022, c'est ce qui a sauvé son image. Et puis le fait que c'est un gars adorable. Mais c'est parce que honnêtement, rappelez-vous 2020. En 2021, la seule chose qui le sauve, c'est qu'il fait un podium incroyable en Azerbaïdjan et qu'il a des super bons résultats, mais il fait moins d'entrées dans les points que Stroll. Ah bah, globalement, il se bat par Stroll. Enfin, pas battre, mais quand tu commences à... Encore une fois, Stroll, c'est un pilote sur lequel on tape énormément, à juste titre parfois, mais parfois beaucoup trop de manière injuste, parce que ça reste un pilote qui a les compétences pour être en Formule 1, globalement, mais on lui tape dessus parce qu'il n'a pas de flamboyance, qu'il est irrégulier, tout ça. Mais quand un pilote du calibre d'un Vettel se fait jeu égal ou à peine mieux qu'un Stroll, c'est que... Bon, c'est pas une période de gloire. Là, Alonso, en fait, si Alonso part aujourd'hui, on dira « Ouais, c'était le bon moment ». Bah ouais, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Moi, en vrai, il y a un truc que je peux voir arriver, je sais pas, 2025 ou 2026, mais je vois pas Alonso rester super longtemps si la saison continue comme ça. Hein. Et ça peut libérer une place pour Tsunoda, et ça libère, enfin, du coup, tout s'éclaire un peu chez Red Bull. Il y a plus de dilemme à avoir avec Tsunoda, etc. Tu fous Ricciardo en deuxième pilote chez Red Bull, tu mets Lawson et Hadjar chez Racing Bulls, et voilà, tout le monde est content. Attends, redis, Tsunoda chez RB avec... Tsunoda chez Aston, qui remplace un Alonso qu'on a marre de la vie. Et, oui. Et voilà, enfin, tout Ricciardo chez Red Bull, Lawson Hadjar chez Racing Bulls. Ouais. Alors, en 2020, Vettel, c'est 13-4 en qualif et 10-5 en course qui se prend par Leclerc. Et encore une fois, on parle d'un Charles Leclerc qui était dans sa troisième saison en Formule 1. Après une deuxième saison chez Ferrari, donc 2019, où il a vraiment fait remettre Vettel sur beaucoup de terrains. Donc, c'est pour ça que 2020, on peut donner plein d'excuses à Vettel, notamment le fait qu'il se fait dégager avant le début de saison. Mais médiatiquement, on dit de Vettel... ouais, non, arrête. Bon, moi, je te rejoins, mais visiblement, on n'aura jamais de réponse. C'est-à-dire que même Red Bull, un jour, ils vont faire « Écoutez, on lance les dés et on va voir ce que ça donne. Ouais. » Alors, oh là là, c'est merveilleux. Je vais un peu temporiser en parlant, en mettant en pause un peu tout ce qui est transfert, tout ça, et parler un petit peu plus de ce qui se passe en dessous, puisqu'on mentionnait Isaac Hadjar. Bon, le craquito en tête du championnat de Formule 2, si je puis dire. J'ai envie d'entrer dans la question fâcheuse. On persiste, ça sert à rien la F2. En grande partie, actuellement, la F2 est peu représentative. Ouais. Alors, on est plus ou moins d'accord sur le postulat de base et sur le postulat, j'oserais dire de la doxa. Tu vois, je mets les fausses lunettes. Percy, est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment rejoindre l'opinion publique sur le fait que la Formule 2 et les catégories de promotion ne servent actuellement à rien? Pourquoi est-ce que tout le monde pense ça? Ça le fait ou pas? Ça le fait. Ouais, super. Ça le fait. Jean-Jacques Bourdien, entend bien. Malheureusement, ouais. On peut rejoindre ce postulat de base. On peut rejoindre ce postulat de base quand Monsieur Oliver Berman, actuel 14e de Formule 2, est annoncé en F1. Et 14e de Formule 1. Et 14e de Formule 1, c'est vrai, avec une seule course. Il a le même classement en F1 qu'en F2, sauf qu'en F2, c'est sa deuxième année complète. Il était l'énorme favori au titre avec Victor Martins, qui est aussi un très brillant 11e. Voilà, on se retrouve avec des pilotes qui n'ont marqué pas, qui n'ont pas marqué le moindre point en Formule 3, en Formule Renault, en Freca, bref, dans toutes les catégories en dessous. Ils ont marqué aucun point. Maintenant, ils jouent les podiums. On passe un petit coucou à notre cher Amaury Cordil. On a des performances qui sont absolument pas représentatives de tout ce qu'on a eu les années précédentes. Et c'est pour ça que personne prend vraiment la saison de Formule 2 au sérieux. Alors, mais voilà, y a pas, tout n'est pas à jeter, mais je pense qu'il y a pas mal de pilotes qui sont un peu hors jeu dès le début, en fait. Il y a des différences entre les voitures, entre les équipes, entre les moteurs, qui font que, aussi bien performance que fiabilité, c'est trop... on ne peut pas vraiment l'interpréter. Il y a des pilotes qui sont plus brillants que d'autres, mais sinon, on ne peut pas vraiment dire que, oui, Isaac Hadjar, c'est le meilleur pilote de la Formule 2. Oui, Paul Aron, c'est le deuxième meilleur pilote de la Formule... Non, on ne peut pas dire ça, en fait. Oui, parce que, alors, avant d'entrer un peu dans le... essayer de comprendre ce problème, là je vais me replacer sur le début de saison. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'en favori, pour le titre, ce qu'on veut voir aux avant-postes, Isaac Hadjar, je dis Hadjar, mais juste pour troller, hein, c'est Hadjar, Victor Martins, Andrea, Kimi Antonelli, je ne sais jamais dans quel ordre c'est, il a trop de prénoms, Oliver Berman, naturellement, hein, les pilotes Préma. Et puis, éventuellement, en challenger, on peut peut-être attendre du Bortoleto, du Kushmaini, que j'oublie personne. Voilà, enfin des pilotes comme ça, au Sullivan, j'essaye de penser. Voilà, ouais, à peu près, est-ce que c'est comme ça qu'on a envie de voir la hiérarchie en début de saison? J'oublie peut-être quelques noms. En début de saison, j'avais surtout l'impression que, en fait, c'était sûr, le titre allait être joué entre Martins et Berman, mais que potentiellement il y aurait un Antonelli qui serait un petit peu limite au début vu qu'il a sauté la F3, mais qui les rejoindrait, voire qui les battrait en fin de saison peut-être. Après, ouais, il y avait des pilotes où c'était pas forcément évident, genre Isaac Hadjar, il avait une saison super compliquée l'an passé, mais on se disait quand même il avait pas perdu tout son talent en un an, donc pas impossible. Après voilà, il pouvait y avoir des pilotes, mais ça j'y croyais moins, style Zane Maloney qui est pas mal non plus. Voilà, c'est globalement donc, le top 5 que j'avais, je pense. Et là actuellement, donc le classement, on a Isaac Hadjar qui a 18 points d'avance sur Paul Aron, qui en a 30 sur Gabriel Bortoleto, donc c'est notre top 3. On a Zane Maloney qui a 39 points de la tête, et pour placer plus ou moins Colapinto, Antonelli, Crawford et Auger et Maini, donc qui vont jusqu'au top 9, qui constituent un peu un petit noyau que j'oserais dire de challenger pour le top 5 peut-être, mais plus vraiment en lutte pour le top 3 du championnat. Je vais commencer. On va faire un petit peu de name dropping. Zane Maloney, comme tu le disais, c'est un pilote qui a montré des choses pas inintéressantes, mais que on n'attendait pas du tout avec une double victoire à Bahreïn, qui a fait un bon début de saison assez solide, mais peut-être depuis Monaco, j'ai l'impression, peut-être Imola, c'est un peu plus en dedans. Ça, oui, Imola, depuis Imola, globalement. Ouais. On a Paul Aron, qui de même était dans l'Académie Mercedes, il n'a pas fini là-bas par hasard. Se retrouve à un moment en tête du championnat sans avoir jamais rien gagné, juste parce qu'il est ultra constant. Aujourd'hui, on se rappelle de l'existence de Paul Aron. Tout le monde s'en foutait de ce pilote avant. Il est deuxième du championnat. Même Mercedes s'en foutait, vu qu'il a été viré en début d'année par Mercedes pour faire la place. Ça s'est fait avant le début de saison. Ouais. Ouais. Donc, c'était clairement pas attendu. Même sa saison de F3 l'an passé, elle était bien, mais... il était troisième sur une saison de redoublant chez Préma, je crois. C'est bien. C'est bien. Et du coup, après, moi, j'ai envie de dire qu'ils sont à peu près là où on pourrait attendre Bortoleto, Colapinto, Crawford. Bortoleto, dans le top 7. Bortoleto, c'est... T'en attendais plus ? Non, Bortoleto, justement, il m'impressionne, puisque justement, la saison de F3 précédente, globalement, personne s'attendait à voir Bortoleto gagner. Et... Mm-hmm. Donc, quand Bortoleto avait gagné, on s'était dit « Ah, le niveau de la F3, c'était vraiment pas fou cette année, etc. Il va se faire taper en F2, on va bien voir. » Et au final, non. Et avec Hadjar, c'est vraiment les deux pilotes qui sont globalement là tous les week-ends et qui font peu d'erreurs. Ils sont assez malchanceux, je dirais même Hadjar un peu plus que Bortoleto, mais bref. Ouais, c'est affreux, ouais. Mais vraiment, Hadjar et Bortoleto, c'est les deux pilotes qui m'impressionnent depuis le début de saison, ouais. Donc, oui, non, mais moi, Bortoleto, ça a été effectivement la confirmation. Il a eu une très, très bonne série avec, je crois que c'est aux alentours de Imola, où il enchaîne quelques pôles. Voilà, c'était plutôt pas mal. Mais ensuite, si on regarde le reste du classement, Martins, 11e. Berman, comme tu le disais, 14e. Et c'est pas la grande joie. C'est pas la grande joie. Comment on s'explique que deux pilotes qui ont une telle cote se retrouvent aussi médiocres, si j'ose dire? Bah alors déjà, donc il y a eu un changement de réglementation cette année qui a pas aidé et qui a forcément redistribué les cartes. Et donc Préma et ART, qui ont toujours été les deux meilleures équipes du tout haut du classement, bah ont pas bien géré ce changement de réglementation. Je pense qu'il commence à y avoir du mieux. Par exemple, en Hongrie, celui qui a marqué le plus de points, c'était Martins. Celui qui a gagné la course principale, c'était Antonelli. Bon, il y avait des faits de course, mais quand même, c'est les deux des pilotes qui ont été le plus impressionnants. Donc, je pense que c'est en train de peut-être revenir un peu à la normale. Mais les meilleurs pilotes qui étaient dans les meilleures équipes se sont retrouvés avec des voitures complètement perdues. Et donc, oui, voilà, Martins, Berman, Antonelli, là, qui remonte bien, mais ils étaient... Ils étaient nulle part. Oui, et en fait, oui, Antonelli, il y a quelques. Avant ce week-end, il était même pas. Enfin, il devait être aux alentours de Maigny, je crois. Ouais. Ouais, voilà. Il était 10e environ. Et voilà aussi quand. Surtout Martins et Berman, qui étaient les deux favoris, vu qu'ils avaient été les deux meilleurs rookies l'année passée, ils se retrouvent 11e et 14e, voire même Martins, qui était même 18e à un moment. Ils sont frustrés et du coup, ils essayent de corriger ça, de surconduire un peu, et du coup, bah, souvent, ça rend les choses encore pires. Et voilà, c'est un cercle vicieux que connaissent pas mal de pilotes de Formule de promotion. Et bon, pour Berman, voilà, ça, il a la chance d'être bien soutenu. Pour Martin, il n'a pas cette chance, donc la F1, ça paraît finito. Donc, qu'est-ce que tu dis? Les deux sont dans une académie Ferrari. Oui, c'est juste que Berman, c'est l'académie italienne, et l'autre, c'est la française. Ouais, dommage. Pas de chance. Du coup, moi, là où j'en viens un petit peu, bon, moi, il y avait Miata qui m'avait bien eu cette saison, mais bon, peut-être il a besoin d'encore un peu de temps pour se peaufiner, mais c'est un peu l'outsider que je voulais surveiller, Miata. Oui, bah, champion de Super Formula, de Super GT, etc. C'est un très, très bon pilote. Le souci, en plus du fait qu'il doit s'adapter... à l'Europe, ouais. Globalement, enfin aux monoplaces européennes, à une nouvelle culture, etc., vu qu'il a presque tout le temps couru au Japon. Le souci, a priori, c'est qu'il y a des bruits qui courent autour de son moteur qui me font dire que voilà, peut-être qu'il n'est pas à armes égales exactement. On va garder... on va y mettre une parenthèse. parce que, tu vois, là, cette saison, je crois que c'est la première de l'histoire de la Formule 2, du moins moderne, où on a tous les pilotes inscrits qui ont marqué des points. Et c'est pas un point. Villa Gomez a 9 points. Il est à 2 entrées dans les points, si je dis pas de conneries, que je vérifie. Voilà, 2 entrées dans les points, Villa Gomez. Stanek, à peu près pareil, dont une victoire. Le 21e du championnat a une victoire. Le 20e du championnat a une victoire. On est d'accord, ça ne s'explique pas. Ça ne se rationalise pas, en fait, ce genre de... Il n'y a aucune... Ce plateau... Enfin, pourtant, encore une fois, le plateau, je vois des noms qui, comme on l'a dit, ne sont pas dégueulasses. Hein. C'est peut-être même, j'oserais m'avancer en disant que c'est, même en allant jusqu'au dernier, c'est un plateau qui est moins ridicule qu'à une époque où on avait des... bon, je vais prendre Ragunathan, mais aussi... Deleda, voilà. Des gars comme ça. Là, on n'en a pas vraiment des pilotes qui sont à une seconde constamment de l'avant-dernier, tout ça. Donc, en soi, ce n'est pas un plateau totalement dégueulasse, mais c'est quand même... Il n'y a pas de hiérarchie, quoi. Donc, et on pourrait parler, effectivement, de cette nouvelle réglementation, mais si je regarde l'an dernier, 2023, c'est à peu près pareil, où on se dit, ouais, on a Porcher et Vesti qui jouent le titre, mais pas grand monde n'est convaincu par la gueule du plateau. 2022, idem, avec Drugovic, que pratiquement personne attendait qu'il gagne le titre. Et j'oserais même dire un peu 2021, où c'est pas très convaincant non plus dans l'ensemble du plateau. C'est même n'importe quoi, en fait, puisque Oscar Piestri est le seul à faire quelque chose de cette saison, alors que derrière, c'est le bordel, puisque, enfin voilà, ça n'a aucun sens. Comment on explique ça, pour toi ? Alors, je ne sais pas si les soucis datent depuis très longtemps, mais alors je pense qu'il y avait des soucis de base, notamment au niveau des moteurs, et qui sont exacerbés par le fait que voilà, les meilleurs pilotes se retrouvent dans des équipes qui n'ont pas compris la réglementation au début. Et voilà, je pense que la saison actuelle rend les choses pires qu'elles ne sont, mais il y a des gros soucis quand même, a priori au niveau des moteurs, des marges de tolérance à la sortie de l'usine, qui font que tous les moteurs sont censés être égaux, mais il y a des marges de tolérance. Et voilà, il peut y avoir 1-2 dixièmes d'écart. Voilà, je ne sais pas exactement combien ça représente exactement, mais au final, ça se voit sur la piste. Et donc, on se retrouve avec des moteurs moins performants que d'autres, moins fiables que d'autres, mais ça, c'est encore un autre débat. La fiabilité des pièces, la fiabilité des moteurs, c'est compliqué. Mais voilà, il y a aussi un problème au niveau de la performance. Ce n'est pas un problème qu'on retrouve que en F2. Je pense que c'est un problème qu'on retrouve dans pas mal de championnats monotypes, dans des championnats où tout est censé être égal, etc. Mais je pense qu'ils sont pas mal exacerbés ici en F2. Et malheureusement, c'est difficile de se battre contre ça. Ça explique en partie pourquoi on se retrouve avec des Oliberman 14, des Victor Martins 11. Après, je pense pas que ça soit, pour moi, c'est pas du tout des tricheries volontaires ou des choses comme ça. Il y a pas non plus une théorie du complot, c'est juste plutôt de l'incompétence pour moi, en fait. Comme Anne Croc nous cite du George Orwell, c'est intéressant. Tous les moteurs sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Exactement. Oui, alors, parce qu'il y a effectivement, ça peut effectivement relever de l'incompétence. Maintenant, du coup, j'ai pas envie de mettre mal à l'aise en faisant un peu de name dropping, mais aujourd'hui, il y a un podcast Beyond the Grid qui est sorti. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter, c'est avec Bruno Michel. Il est donc à la tête de la F2 et de la F3 depuis qu'il y a eu cette restructuration, si je ne dis pas 2005, de conneries. Depuis 2005. Oui, même d'encore avant, sous GP2 peut-être, je n'étais pas encore trop renseigné. Ouais. Mais bon, on sait que c'est sous sa direction que ça se fait. Et il y a également des grosses questions. C'était à la rigolade au début, mais maintenant, tu me parles des moteurs, on en rigolait au début, mais mécachrome, on arrive quand même à un stade où là, encore ce week-end, on a Zane Maloney, quatrième sur la grille, qui dit « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi les autres, ils avancent ?» Et c'est pas un problème nouveau, on a ça pratiquement tous les week-ends, sans parler des casses qui peuvent arriver. Exactement. Mais Cacromède, c'est devenu un même, hein, vraiment. Et aussi, j'oserais ajouter un peu à l'équation autre chose, mais peut-être, je vais me disperser, donc je te laisse me recaler au besoin, mais cette saison, je n'ai pas besoin de regarder la Formule 2 pour connaître les résultats. Je m'explique, je peux regarder la course, la regarder jusqu'au drapeau à damier, et devoir attendre 4-5 heures pour connaître le résultat. Aussi. Et ça, c'est pas nouveau. Mais ça, c'est pas nouveau. Et j'ai l'impression que cette année, c'est encore pire que les années précédentes. Comment est-ce que vraiment on peut simplement dire que c'est de l'incompétence ? Parce qu'en Formule 1, c'est les mêmes directeurs de course, c'est la même instance. Donc, on n'a pas ces problèmes-là. J'ai envie de croire que c'est de l'incompétence, ouais. D'accord. Oui, parce que sinon, ça implique que c'est voilà. Si c'est pas de l'incompétence, c'est volontaire. D'accord. Bon, je vois. Non, mais je te comprends. Moi, je l'ai très souvent dit aussi. Il y a des moments où c'est préférable de croire à l'incompétence parce que ça gâche ton plaisir après. Ça gâche ton C'est ça, plaisir. bah, c'est ça. Et vu que moi, en plus, c'est vraiment le truc dans lequel je suis plus impliqué, les formules de promotion, etc. J'ai envie de croire que voilà, c'est plus de l'incompétence. Après, voilà, il y a des questions aussi qu'on peut se poser. C'est pourquoi il y a toujours pourquoi Mecha-Chrome est toujours là après tous les C'est soucis qu'il y a eu. inexplicable. Enfin, Mais alors, voilà, après. j'ai pas envie de te forcer à entrer dans un terrain, peut-être t'as pas envie d'aller, mais est-ce qu'il n'y a pas des affinités personnelles Oui. entre Mechachrome et ce monsieur Bruno M? Voilà, enfin, c'est des choses dont on entend parler. C'est des choses dont on entend Voilà. parler. A priori, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour un changement de fournisseur de moteur. Visiblement, enfin, en fait, voilà, les deals ont l'air complètement verrouillés, peu importe ce qui se passe. Oui, Et parce enfin, que quand tu le... Enfin, je sais c'est plus quand juste. ça date, mais au pire, il y a quelques mois, disait-il qu'ils étaient très contents de leur partenariat avec Mechachrome. Ah ouais? Donc, c'est même pas remis en question, quoi, de leur Enfin, part. voilà, pour moi, ça, c'est, enfin, pour moi, ça peut pas être de l'incompétence, là, parce que, enfin, je veux dire, c'est vraiment criant. Tu vois qu'il y a un souci, normalement, tu le changes. Là, tu ignores le souci, tu fais l'autruche ou Binotto ou je sais pas quoi. Enfin, et tu te dis, bah non, non, il n'y a pas de problème, vous en faites pas. Alors qu'il y a des pilotes qui payent 2 millions, 3 millions Ah, d'euros, de c'est dollars, une tout ce que honte. tu veux. Et qui se retrouve, enfin, je veux dire, Isaac Hadjar, heureusement qu'il est en tête du championnat, mais le nombre de casse moteur qu'il a eu, c'est Oui, exceptionnel. parce qu'on est Enfin, d'accord qu'il devrait avoir une avance encore plus conséquente. Sans avec le parler de début de saison, l'Australie, où je ne suis pas du tout d'accord avec cette direction qui le sanctionne, je ne sais pareil. pas combien de secondes, qui lui prive d'une Oui, victoire. de 10 secondes et non pas de 5, puisqu'avec 5 secondes, il aurait gagné, il aurait gardé sa victoire. Oui, non, comme par hasard, Trop ouais. vite. Non, mais oui, je pense que j'avais calculé, c'était à peu près 40-50 points, et encore, j'ai pas calculé le fait que si on replace Isaac Hadjar à sa position, on fait perdre des points à tous les autres pilotes aussi. Oui, Donc bien sûr. c'est peut-être encore plus grand, mais oui, c'est environ 40-50 points. Que peuvent faire les commissaires de course? J'ai envie de dire qu'il y ait une vraie organisation à la FIA. Si c'est de se dire, parce qu'effectivement, le problème des commissaires, c'est que, bon, ils regardent les trucs, mais bon, attends, les gars, on range ça de côté, il y a la F1 qui arrive. Donc forcément, ils sont obligés de s'intéresser au direct, entre guillemets. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas aussi rediriger les tâches en interne? Bon, bref. J'en profite de faire un petit coucou à Monsieur l'œil du paddock qui vient nous faire coucou. Bonjour l'ami. Ça fait plaisir de te voir. Bon, merci Gaspachette pour le pénis. Enfin, pour le 1BIT. Hein. J'ai pas envie d'être grossier. Mais voilà. Nous envoyer une voilà. Pénis. Bref. Si je peux continuer à relever peut-être d'autres questions sur le sujet, ça reste quand même peu rassurant parce que effectivement il y a tout ça. Moi, je pense bon, tu vois, j'en plaisante parce que j'ai pas particulièrement d'affinité avec Richard Vercher, mais pour moi, c'est typiquement le pilote qui est un outsider éternel, qui a jamais vraiment eu le budget Ouais, c'est ça. pour être en Formule 2, qui arrive. Je ne sais comment, à boucler quelque chose avec Trident, je crois comprendre qu'il y a un partenariat qui dépasse un peu l'entente financière où l'équipe est très contente de l'avoir finalement, parce que Trident en Formule 2, ça n'a jamais payé de mine et il arrive à tirer des résultats dans l'équipe. Donc on peut comprendre qu'il y a peut-être des compromis financiers qui sont faits, mais on verra jamais un pilote comme ça avoir des accords avec des équipes comme Préma. Comme Hart, parce qu'il n'apporte pas la valise derrière. Et pourtant, tu le vois cette année, il y a deux victoires qui sont sautées après la course et une l'an dernier. Donc le gars a trois victoires disqualifiées. C'est quand même, là aussi, c'est un mème. Et tu te dis, mais à qui la faute à ce moment-là? Ouais, ça, honnêtement. Comment tu peux avoir autant de disqualifications techniques? Il y avait eu Dan Ticktum, mais bon, là, c'était pour des questions d'essence, je crois, Ticktum à Monza quand il gagne en Ah, ouais, 2020. peut-être. Ouais. Après ça, mais... pour des questions, pour des infractions techniques, je pense malheureusement, en vrai, c'est ça doit l'équipe. Être, ouais, pour moi, c'est l'équipe et donc, et je pense pas que ce soit volontaire non plus. Je pense que c'est juste la faute oui, à pas sûr. De chance. On a déjà vu des voilà, on a déjà vu des tricheries volontaires dans les formules de promotion, mais ça reste quand même rare ou en tout cas, c'est rarement mis au grand jour, c'est rarement dévoilé au grand jour. Mais là, dans le cas de Trident, je pense juste, bah, ouais, pas Oui, de mais chance. du coup, est-ce que ça pose juste des questions aussi sur, je parlais d'intégrité professionnelle, de capacité professionnelle à être au standard attendu en Formule 2? Parce qu'il faut dire ce qu'il y a depuis J'aime pas parler de professionnalisation, mais on est presque à un niveau de professionnalisation des F2, F3, puisqu'il y a un standard d'attente, c'est télévisé maintenant. J'ai perdu les termes, mais ça fait partie des week-ends, c'est incorporé au week-end F1, F2, au week-end de F1, ce qui n'était pas toujours le cas avant, où ils avaient des week-ends à part. On attend quand même un certain standing. On les fait partir sur des grands prix comme l'Australie, comme Jeddah, où avant, c'était quand même très européanisé, Ouais. Ce qui pour provoque des raisons au passage budgétaires. une explosion des Voilà. coûts, et pour les pilotes, bah, c'est les Parce que pilotes qui là, payent, quoi. tu me parles d'à peu près 2 millions à aligner pour la Je... F2. Ouais, globalement, je pense que Parce que pour ça moi, il y a dépend de 2-3 l'équipe. ans, ça atteignait le million. Oui, non, non, on n'est plus Donc sur ça a la déjà F2. doublé. Ça a Oui, non. déjà doublé, en fait. C'est Ou plutôt la c'était comme ça avant? F3. La F3, on est plutôt sur du million, et je dirais même peut-être 1,5 million parfois. Je crois que j'ai même entendu D'accord. une fois déjà un baquet de 2 millions. Après, c'est des trucs qui s'ajustent, en fait. C'est aussi selon le niveau du pilote. Si, par exemple, le pilote, il est champion de F3, l'équipe va lui demander un peu moins que s'il était 26e de F3. OK. C'est toujours des trucs un peu des trucs un peu ajustables, en fait. D'accord. Et Perez qui coûte 3 millions 6 en crash. En crash. Bon. Est-ce que tu vois une issue? Parce que là, je vais en venir à la dernière un peu question. Pour moi, qui ne suis pas un expert autoproclamé des catégories de promotion, et tu mérites ton titre d'autoproclamé expert des formules de promotion, parce que quand je le disais il y a quelques jours, moi, Antonelli, la première fois que j'en ai vu parler, c'était pour dire, j'avais vu sur le Twitter Percy, ah, ce gamin qui sort du karting, il est pas mal. Hein. Ah Donc purée, voilà. Hein? faudrait Ouais, retrouver non. le tweet quand il sera Mais annoncé en voilà. F1. Voilà, donc le gars, il va les dénicher au karting. Donc allez le suivre sur le X. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, le problème, je parlais un peu de professionnalisation. Isaac Hadjar, Red Bull, Bortoleto, McLaren. Colapinto, c'est Williams. Williams, voilà. Ouais. Antonelli, Mercedes, Auger, salut Auger. Voilà. Berman, Ferrari. On retrouve quand même de tous les pilotes qui sont passés en Formule 1. Joe, c'était Sauber. Non, Alpine. Oups, Oui, bah oui, la c'était Alpine, purée, boulette. je n'ai même pas relevé. Oups. Oui. Mince. Piastri, Alpine. Sargeant Williams, la porte d'accès à la Formule 1 maintenant, c'est obligatoirement d'avoir une académie derrière soi. Et du coup, quand tu regardes Drugovic qui gagne un titre sans rien derrière lui, Ouais, mais il attends, il a a rejoint aucune l'Académie porte. Aston Martin après. Oui, il a rejoint l'académie Aston Martin. Super. Félicitations à lui. Combien il paye d'ailleurs pour être pilote d'essai chez Aston Martin? Moi, wow. Je ne saurais pas le dire, mais en plus, oui, il amène de l'argent, hein. Mais Oui, parce que sinon, il serait jamais il serait jamais non, là. Hein. non. Non, non, Voilà. genre, Donc, ouais. c'est-à-dire que la porte d'accès à Felipe Drugovic, champion de Formule 2, c'était de payer une place dans une équipe qui n'avait pas d'académie. Enfin, si, qui avait, mince, comment elle s'appelle, Jessica Hawkins en tant qu'ambassadeur à l'époque. Et maintenant, ils viennent de signer Jack Crawford en début de saison. Bon. Donc voilà, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, tu regardes, la porte d'accès, c'est est-ce qu'elle se fait pas maintenant avant la Formule 2 même, Mais ou au moment où il faut trouver une place dans une académie, quoi. Mais de toute façon, pour arriver en F1, les gens vont pas juger que ce qui se passe en F2. Et je pense d'ailleurs c'est aussi ce qui a aidé Berman, ce qui par exemple ne va un peu désavantager hein, quelqu'un comme Jack Doohan qui cherche un baquet chez Alpine potentiellement, c'est de voir la carrière sur plusieurs années, c'est de voir depuis le début, de voir comment ça se passe. Puisque sur une année ou sur une demi-saison, par exemple, Jack Doohan, il a fait une deuxième moitié de saison exceptionnelle en 2023, c'était le meilleur, etc. Mais comme on l'a dit, il peut y avoir des aléas techniques qui peuvent expliquer ça, des différences au niveau du matériel. Donc, tu te dis que, voilà, le gars, il a commencé peut-être sa carrière en monoplace en 2018. Au bout d'un moment, on arrive à lisser et à enlever tous ces aléas techniques et on peut voir à peu près quel est le niveau du pilote. Donc, Berman, le gars qui a toujours été devant, qui a gagné plein de titres, etc. Même s'il est 14e de F2, on a tendance à beaucoup plus le tolérer. En plus, Berman, vu qu'il a déjà son siège sécurisé en F1, peut-être qu'il est un peu saoulé de la F2 et qu'il dit que ça sert à rien. Bref, voilà. Jack Doohan, c'est pas en dehors de cette deuxième moitié de saison en F2. Bah y a des. Enfin, c'est pas fou, en fait. Alpine veut bien essayer de le présenter comme un Oscar Piastri parce que c'est un Australien et parce qu'il vient de l'Alpine Academy, etc. C'est un Piastri en version Wish, mais vraiment ultra Wish, quoi. Enfin, c'est. Voilà, le Non gars. mais Ah, mais je veux dire. oui. Voilà, le gars, je pense, sa meilleure ligne de palmarès, c'est une deuxième place de F3 en 2021. Oui, 2021, où il bat de justesse Clément Novalak. Et où il est battu très largement par Denis Sauger. Voilà, enfin, ça fait pas rêver en fait. Ça Oui, fait pas mais rêver. Et voilà, Oli Berman, heureusement, il a fait d'autres performances qui ont permis, où on se dit, on va pas juger Oli Berman juste sur sa saison 2024 de F2. Oui, et parce qu'il y a un truc, tu vois, tu parles de Jack Doohan. Moi, je vais. On peut mettre dans l'équation des Joe, des Sargent. Quand tu les regardes, à aucun moment tu t'es dit c'est des gars qui vont un jour finir en F1. Et bon, Sargent, maintenant il commence à être à Ouais, peu près au standard peut-être un peu attendu. tard, mais ouais, il commence, ouais. Malheureusement, un peu tard, mais arrivé beaucoup trop vite aussi, je pense. Précipité, ouais. Il aura dû, jamais, on n'aura jamais dû le promouvoir après une seule saison. Même lui le disait l'an dernier que le programme c'était de faire 2 ans en Formule 2 et qu'il a été promu parce qu'ils avaient personne d'autre à foutre dans la bagnole. Et que c'est plus ou moins pour ça qu'on lui a accordé cette seconde saison. Mais tu regardes Joe. Bon, c'était correct, mais c'était pas, ça faisait pas rêver. Je pense à Sergio Pérez, par exemple. Sergio Pérez, en catégorie de promotion, n'a jamais été flamboyant. Et quand il est arrivé en Formule 1, tout de suite, ça a marché. Il a eu le truc parce qu'on était dans une phase de la Formule 1 où ça jouait sur les pneumatiques et qu'il était excellent pour jouer avec ses pneus. Et du coup, c'est devenu un très grand pilote sur la décennie 2010. Donc, rien n'empêche qu'un pilote moyen, moyen plus en catégorie de promotion, lorsqu'il arrive en Formule 1, devienne, voilà, puisse faire taire Oui, il n'y a pas tout le que monde, les quoi. résultats de formule de promotion qui entrent en compte au moment de choisir un pilote. Bon, évidemment, il y a le budget qui aide et ça, Pérez l'avait évidemment. Berman, d'ailleurs, là, pour rebondir sur un autre commentaire, Victor Martins n'a absolument pas ce budget. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'ira pas en F1. Mais aussi, les équipes de F1, ils vont se concentrer aussi sur les tests, en fait, sur les tests, comme ils le font, comme Mercedes le fait très bien d'ailleurs avec Antonelli, ils le font rouler, ils le comparent à d'autres pilotes, voir comment ça se passe tout simplement. Et au final, c'est ça la performance qui compte plus. C'est un mélange de plusieurs éléments. Il y a le budget qui compte, il y a évidemment le timing qui compte, les essais en F1 et la carrière globale en Formule de Promotion. Si tu as toujours été 26e de F3, voilà, tu n'auras pas ces opportunités. Tu n'auras pas ces opportunités dans une équipe de F1. Donc, pour être en discussion, pour faire des tests en F1, il faut déjà des bons résultats en Formule de Promotion à la base, quoi. Alors, oui, Xelanx, tu dis Pérez était deuxième en GP2, c'est pas rien. Doohan était troisième de F2. Hein. Ouais. Donc, non, si tu regardes l'intégralité de la carrière Pérez, J'essaye de me remettre ces résultats sous les yeux. Évidemment, on ne les a pas sur le wiki français. Il a roulé en même temps que des Ricciardo, par exemple, que des Bottas. Il s'était jamais vraiment flamboyant. Voilà. 2010, deuxième en GP2. Il fait 15e des GP2 Asia Series, qui était une série incontournable à l'époque. Sa première saison avec Ardenne en 2009, il finit 12e. F3 britannique en 2008, il finit 4e. Pour vous remettre le classement, c'est l'année où Rémy Alguersuari a gagné devant Oliver Turvey et Brendan Hartley. Et Voilà. cinquième, Marcus Ericsson. Marcus Ericsson est 5e, voilà. Si je reprends sa saison où il gagne en F3, c'est son seul titre, hein, ils sont seul top 3 à part son titre en F2. Est-ce Il que je vais bat le quand même retrouver? le Non, très il gagne célèbre. la classe nationale. En Oui, classe nationale. C'est il bat le pas. fameux Kung Voilà. Fu Cheng et Ahmad Al-Fardan quand même, hein. Ça reste à Voilà. souligner. C'est-à-dire que c'est pas le global, c'est pas le championnat qui gagne, c'est la classe nationale. Donc Après, c'est encore. Voilà. quand Mais c'est même, pas ces pour cracher équipes. sur Pérez, hein. Ouais, C'était. non mais. Et aussi, ces résultats en formule de promotion, je pense qu'ils sont aussi un peu à relativiser, car j'ai pas forcément l'impression qu'il ait tout le temps été dans les meilleures équipes. Parce que Ardenne, Campos, ça a rarement joué devant. Hormis, voilà, bah, la saison 2010, saison 2010-2011, où là, Campos était un peu devant. Et en fait, Oui, et puis c'est il aussi roulait ça pour qui peut des équipes expliquer des résultats en formule de Telmex, tout ça. Hein. promotion pas incroyables aussi. Bien sûr. Mais c'est aussi quelque chose à prendre totalement en compte. Mais tout ça pour dire que les résultats, c'est une chose, mais quand Pérez arrive en Formule 1, il a une grosse étiquette Ferrari payant dessus. Ouais. Et c'est vraiment que après qu'on a oublié que c'est un pilote payant et parce qu'il a apporté des résultats, quoi. Et ce qu'il y a, c'est Joe, bon, il y a en 2021-2022, on se disait ça allait, là, cette année, on se rappelle que c'est un pilote payant, parce qu'il est, Bah, surtout en il est nulle fait, part. Pérez et Zou, peut-être qu'ils méritaient, enfin, alors, bon, je grossis le trait, hein, mais peut-être qu'ils méritaient autant leur chance d'arriver en F1. Ils avaient, Oui, voilà, mais très vite fait, des résultats en formule de moi, je promotion le assez défends. similaires. Je le défends que ce n'est pas des pilotes qui volent leur place, c'est des pilotes qui méritent leur chance. Oui, voilà. Voilà, ils méritent de prouver leur valeur en Formule 1. Là où, par Exactement. exemple, des pilotes, ou je dirais peut-être pour Cher, Drugovich, c'est des pilotes qui ont prouvé qu'ils méritaient d'aller en F1. Et ensuite, une fois en F1, il faut qu'ils prouvent qu'ils méritent d'y rester, tu vois. Mais quand tu vois des pilotes qui sont dans des top 5 en F2, tout ça, j'ai envie de dire, OK, vous Bah êtes oui. dans du top Et 5, allez-y. c'est pour ça que dans un monde idéal, il faudrait beaucoup plus de place en F1, quitte à faire une pré-qualification ou je sais pas, où tu as des gens qui restent sur le carreau le samedi, ça peut être grave rigolo. Mais enfin, il faudrait plus de place. Malheureusement, voilà, la F1 fait en sorte que on reste a priori à 10 équipes. Voilà, je sais même pas si on en aura une 11e. C'est pour ça que moi, je milite pour la fameuse troisième voiture en F1, pas forcément sur tous les Grands Prix ou peut-être en hors championnat ou quelque chose comme ça, mais genre une troisième La voiture F1 réservée à un FIA. rookie. La voiture FIA. Bah ouais, non mais fin, franchement, on aurait la chance, ils auraient le voilà cette chance qu'ils méritent et tout Sous le monde quel serait content, modèle? quoi. Sous quel modèle, c'est-à-dire? Ouais, non, non, pardon. Moi, je suis parti dans le délire de l'équipe FIA. Non, non, non, non, vraiment C'était quelque chose dont on parle. une troisième voiture pour tout le monde. Genre Ferrari, ils alignent Oliberman. Red Bull, ils alignent Lawson et Racing Bull, ils alignent Hadjar. Ouais, mais bien avec l'augmentation des coûts Certes, qu'on mais en veut réduire. F1, ouais, certes. Avec une Certes, mais après, avec réglementation tous les profits. 2026 qui va faire exploser les coûts. Ouais, mais après, Et avec voilà. tous les profits que fait la F1, les profits que font les équipes actuellement. Alors peut-être pas que toutes les équipes peuvent se le permettre, c'est pour ça que on pourrait penser à des voitures hors championnat qui n'inscriraient pas de points au classement, etc. Mais au moins on pourrait voir ces pilotes, ils auraient l'occasion de briller comme Oliberman l'a eu à Jeddah. Et heureusement qu'il a eu cette chance en F1, puisque sinon Berman, voilà, c'est pas sûr que tout le monde le verrait en F1 l'an prochain. Liam Lawson, s'il n'avait pas eu ses 5 Grands Prix en remplacement de Ricciardo, on l'aurait oublié probablement. Voilà. Je vais prendre quelques questions de l'internet que j'ai invité à poser avant le live. Donc j'ai retenu Cladounet qui demandait, c'est un exposé, attention, non je rigole, est-ce que le faible nombre de places sur la grille en F1 et les carrières de plus en plus longues rend logique que le champion de F2 ne soit plus automatiquement promu en F1? Quels sont les critères qui comptent le plus pour passer de la F2 à la F1? C'est plus ou moins ce que j'essayais d'impliquer tout à l'heure, mais là c'est pris sous un autre prisme, la question. Donc voilà, en gros, le fait que maintenant, une saison de. Une carrière de F1, c'est minimum de 3 ans. Est-ce que du coup, le fait que le champion de F2 ne puisse plus reparticiper, tout ça, que ça enterre plus ou moins sa carrière, est-ce que après, il faudrait pas pense... logiquement le promouvoir, si c'est la question? Après, je pense que c'est plutôt les carrières longues. Je pense que ça s'adressait plutôt à des pilotes comme style Alonso qui attaque sa 47e oui, oui, saison. En soi, Alonso, tant qu'il performe, ça ne me gêne pas qu'il soit là. Actuellement, je peux émettre peut-être un potentiel doute, mais bon, à confirmer. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'Alonso, il n'a plus envie de performer, je pense. Ouais, voilà. Mais si t'as pas envie de performer, va en WEC. Je sais pas. Amuse-toi ailleurs et voilà. Parce qu'il y a des gens qui tueraient pour avoir leur place en F1, je pense. Je pense que c'est un peu ça. Après, voilà, pour reprendre les éléments, maintenant, ce que les équipes de F1 recherchent, c'est un pilote capable de performer rapidement, qui amène du budget aussi, l'air de rien. Puisque, honnêtement, voilà, Oli Berman, si. C'était un pilote comme Victor Martins qui n'a pas de budget. Déjà, il est probable, de ce que j'ai entendu, qu'il n'aurait pas eu sa chance en F1 à Jeddah. C'est ça, Berman. Berman. Il n'aurait peut-être pas remplacé Carlos Sainz à Jeddah, de ce que j'ai compris. Et que heureusement qu'il avait du budget qui a permis de convaincre un peu Ferrari de le titulariser lui et d'avoir sa chance. Mais parce qu'il pose combien sur la table à peu près? Berman, il est bien, hein. Ah ouais, j'en avais aucune idée. Hein. Il est bien, hein. Franchement. Et puis d'ailleurs, c'est ça qui est un peu frustrant. C'est du 6 ou du 7 chiffres? Attends, millions ou dizaines de millions? 7. Dizaines de millions, là, on parle. Non, bah non, 7. 7 pour moi, c'est millions. Oui, non, mais pardon. 7 ou 8, je voulais dire. Au moins 7. D'accord. Je suis pas sûr, j'ai pas le contrat d'accord. Sous mes yeux, mais. Ouais, non, ouais, c'était le nombre de zéros que je voulais dire. Donc il y a au moins 6 zéros, quoi. Ouais. Donc voilà, faut du budget, faut du roulage en F1, puisque voilà, il faut être préparé à arriver dans cette F1, et c'est il pour ça qu'il y a roulage, tant de tests privés qui sont faits dans des anciennes F1 d'il y a 2 ans. Et voilà, faut avoir montré, si on veut vraiment grimper au mérite, faut avoir montré voilà des performances impressionnantes en formule de promotion. Je parle pas forcément de titre, puisque voilà, il y a tout plein de facteurs qui peuvent entrer en compte, comme on l'a dit un peu plus tôt. Mais voilà, des performances qui marquent. Non, même Antonelli, si on lui enlève ses titres, il y a quand même des performances qui, à un moment, on se dit ah purée. Enfin, il était franchement vachement impressionnant à ce moment-là. Donc ouais, le père de Berman, c'est un peu comme le père de Norris. Hein. C'est un peu. J'allais faire le parallèle, ouais, parce que Lando Norris, les roulages privés peuvent. C'est presque du niveau d'Alan Stroll, si je dis pas de conneries. Et d'ailleurs, ce qui m'embête un peu en tant que Français, c'est qu'on n'a pas autant de budget pour nos pilotes comparé aux Britanniques, puisque après Berman, il y aura potentiellement Arvid Lindblad, qui n'est pas forcément si riche que ça, mais quand même pas mal. Et il y a Freddie Slater. Voilà, si petit name dropping comme ça, il est en train d'atomiser la Formule 4 italienne et il a potentiellement signé avec une académie F1. Et voilà, c'est un pilote, vu son argent, vu son talent, vu son roulage illimité, on devrait le voir en F1, hormis surprise. Enfin, c'est ce genre de pilote téléguidé depuis la naissance, voilà, et riche, très riche. Alors, pour répéter. Expliquer pardon la question pourquoi on compare Berman et Norris, c'est dans le sens où ils ont eu beaucoup d'apports financiers au début de leur carrière. Après, Norris, moins riche que Papa Berman, je crois, quand même. Il me semble pas que Norris avait le budget suffisant pour... J'ai plus trop les fortunes en tête. Ouais, mais bref. À cette époque, j'étais peut-être encore un peu jeune pour comprendre qu'il y avait autant de millions D'accord. qu'il y avait derrière, Ouais. derrière tout ça. Mais oui, enfin, Norris, il débute en Ginetta, mais il roule aussi, enfin, il a beaucoup de roulage privé pour juste d'école, entre guillemets, servir d'école de pilotage privé, quoi. Là où y en a, ils peuvent se permettre de rouler que sur les week-ends de course. Est-ce que promouvoir Antonelli en F1 dès la saison prochaine ne risque pas de lui brûler les ailes ? Demande beaucoup de monde, donc Goodcar. Enfin, c'est celle que j'ai retenue, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Pour moi, ça dépend je te la laisse. Pour moi, ça dépend dans quelles conditions. Parce que chez Mercedes, il y a encore quelques mois, j'aurais dit... Le risque. Oh pardon, le risque père Norris est top 100 des fortunes anglaises, j'ai rien dit. Ah quand même, ouais. Bon bah j'ai rien dit. Antonelli, genre ça dépend, parce que voilà, Mercedes, il y a quelques semaines, on se disait que 2025, ça serait une saison de transition, que ça serait, voilà, qui se préparerait surtout pour 2026, donc ça posait aucun problème de mettre un jeune rookie de 18 ans où tu te dis, bon bah voilà, il va passer un an à se former, etc. Il sera déjà dans l'équipe, il sera déjà intégré dans l'équipe, ce sera très bien, comme ça en 2026, ça va performer plus rapidement. Le souci, c'est que Mercedes, maintenant, a grimpé de plusieurs rangs dans la hiérarchie. Voilà, je ne sais pas s'ils vont jouer le titre, mais ils sont revenus aux avant-postes. Et dans ce cas-là, est-ce que tu as envie de mettre un rookie de 18 ans avec la pression de gagner des titres ? C'est peut-être un peu violent, même, même le super prodige. Ce serait symbolique quand même pour remplacer Hamilton. Mais je suis d'accord, pour moi, ça paraissait... parfait que Antonelli, le futur Hamilton, ou voilà comme on veut l'appeler, bah voilà, soit celui qui le remplace. Enfin, communication, marketing, c'est parfait, c'est genre la suite de la légende, etc. Maintenant, donc pour le long terme, moi je trouve que ça serait super. Maintenant, pour le court terme, vraiment 2025, c'est un peu juste. C'est un peu parce juste. Que... Ouais. Non, parce que j'ai envie de te présenter quand même un scénario. Alors, c'est plan large, c'est ça se passe dans un monde d'Heroic Fantasy. Non, pardon, on va prendre un autre scénario. On promouvoit Antonelli. On est d'accord que dans les cas les plus pessimistes, il faut lui laisser 2-3 ans minimum. Si on le met chez Mercedes. Parce que faut le temps qu'il s'intègre, tout ça. Et si tout de suite il ne performe pas, on veut constater une courbe de progression. Si on la voit, on va lui laisser du temps. Si tous les week-ends, il est à 3-4 dixièmes de Russell, au début, on va dire c'est pas mal, mais en fin de saison, on va dire bon, faut avancer, quoi. Mais le truc, c'est que, admettons, fin 2025, il y a Max Verstappen qui dit hey, « je me casse de Red Bull ». Antonelli, ça le mettrait mal dans cette situation. Il y aurait pratiquement un cas Kevin Magnussen, je vais prendre le cas de Kevin Magnussen, qui à ses débuts, bon, c'était pas trop ça, en fin de saison, il commence à être dans les rythmes de Button, mais d'un coup, il y a Alonso qui est libre. Mais en fait, Mercedes, à un moment, ils vont devoir choisir de toute façon. Ils ont deux pépites, alors je sais pas pépites à quel point, mais ils ont deux jeunes très bons, au moins, Russell... et Antonelli qui n'est pas encore en F1 mais qui devrait bientôt arriver. Et au bout d'un moment, il va y avoir une bataille à un moment entre les deux, potentiellement. Si les deux exaucent la prophétie tant voulue, il va falloir qu'ils se battent tous les deux et qu'à un moment, il y en a un qui parte. Et donc, à ce moment-là, là, ça pourrait libérer une place. Et par exemple, fin 2025, en fait, ça va peut-être paraître bizarre à dire, mais est-ce que Mercedes, s'il voit que Antonelli est au niveau, est-ce qu'il prendrait vraiment Max Verstappen au risque de briser tout le potentiel équilibre, de briser Antonelli, au risque de briser un Russell bon aussi. Ils peuvent perdre beaucoup, en fait, en cherchant Verstappen. Parce que c'est vrai que le délire de Toto Wolff avec Verstappen, c'est vraiment pour remplacer le monstre qu'est Hamilton. Il faut quelque chose de similaire quoi, pour lui. Mais si on a Antonelli qui subitement prouve qu'il peut valoir la peine. Maintenant, il y a la piste Williams que Toto Wolff semble être en train de gratter. Est-ce que tu penses que ça peut se faire ? Parce que James Vowles semble vouloir quand même affirmer sa position indépendante. Après, voilà, tout Alpine. Est négociable. Ben voilà, c'est, tu me vois venir Alpine avec le Mercedes. Voilà, en fait, il y a des équipes clientes. Quand il y a des équipes clientes, tu peux négocier des deals un peu moins chers, etc. Et tu peux, voilà, à coup de millions, convaincre un peu le fait que, bon, tu peux aller placer ton jeune pilote en formation chez toi quelques temps, le temps qu'il soit assez mûr. Mais c'est vrai que Williams, a priori, ils ont l'air assez vindicatifs. Enfin, ils ont l'air de vouloir renforcer leur indépendance. La question, c'est quand même avec quel soutien, parce que pour l'instant, Williams, c'est l'une des rares équipes indépendantes. Alors, par exemple, l'une des autres équipes indépendantes, AS, a priori, serait peut-être en train d'aller chercher un constructeur comme Toyota. Williams, pour l'instant, ils n'ont pas de soutien de constructeur, donc renforcer son indépendance, c'est bien, mais enfin, voilà, avec quelles ressources. Mais donc, on peut imaginer que Williams va essayer de protéger voilà, les pilotes de son académie qui vont vouloir peut-être chercher un Valtteri Bottas qui amènerait de l'expérience le temps qu'un Colapinto, qu'un Luke Browning, qu'un je ne sais pas qui soit assez prêt dans leur académie, pourquoi pas, ou qu'un Alessandro Giusti pour faire de la propagande française. Et dans ce cas-là, on pourrait imaginer un Antonelli chez une autre équipe cliente de Mercedes, potentiellement Alpine. Voilà. Et Alpine, alors, Alpine a une académie pour les autres écuries. Je suis pas sûr de... Oui. Ils ont Piastri pour McLaren, ils ont Joe pour Sauber. Ils ne placent pas de pilotes chez eux. Et voilà. Parmi tous les pilotes Alpine actuellement, a priori, il n'y en a aucun qui est vraiment en discussion pour de la F1, hormis Jack Doohan, qui est chômeur professionnel depuis un an. Et Jack Doohan, voilà, on en a parlé un peu plus tôt, c'est pas super ça, convaincant. Ça fait pas rêver. Son aide, c'est surtout que c'est le fils d'un quintuple champion du monde et qu'il est managé par Briatore. Ok. Et que c'est vrai qu'il a un coup de volant. Ok. Mais voilà, c'est pas enthousiasmant. Alors qu'à côté, tu pourras avoir un Antonelli. Mais ça voudrait dire une vassalisation d'Alpine par Mercedes. De toute façon, Alpine, je sais pas à quel point... Ouais, mais ils s'en foutent, là, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'ils s'en foutent. C'est pour ça que... Ça a été officialisé, pardon ? Non. C'est pas encore officiel. C'est pas encore officiel, mais... Oui, ça va se faire. On sait que ça va se faire. C'est juste que, vu que, comme c'est tombé de manière non officielle en première instance, je voulais savoir si ça avait été officialisé depuis. J'ai pas surveillé. Mais non, je crois que ça sera pendant la pause estivale, de ce que j'ai compris, mais... Ça pourrait faire sens. Et honnêtement, dans ce cas-là, si Alpine part dans une totale dépendance de Mercedes, autant prendre Antonelli, qui est un jeune super prometteur. Antonelli, il a un environnement avec beaucoup moins de pression pour grandir et devenir assez mûr pour Mercedes. Et pendant ce temps-là, Mercedes prendra quelqu'un plus solide dès la première course, style Carlos Sainz, et dans ce cas, tout le monde est content, quoi. Mmh. Bon, et ça va être qu'on va surveiller. Maintenant, c'est vrai que c'est fou quand même. Alpine, il y a un mois, on se disait, ça se trouve, en 2025, ils vont se retrouver avec Doohan et Guanyuzu. Et là, on parle quand même d'avoir Gasly Sainz. Ouais, Gasly Sainz, Gasly Antonelli, Gasly Bottas, Et faut savoir qu'entre temps, la seule différence, c'est que tu as ramené le gars qui a fini Alpine en F1 fini Renault en F1 et que Renault a lancé des rumeurs selon lesquelles ils allaient se barrer et être partenaire Mercedes. Donc, la seule chose qu'il faut pour ramener des gens chez Alpine, c'est enlever la partie Renault et ramener Briatore. C'est lunaire, c'est le monde à l'envers. Je voulais essayer de retrouver, parce que là, il y a juste eu une annonce de Alpine qui a révélé des livrées, une livrée spéciale pour Spa. C'est en hommage à Antoine Hubert, c'est ça? Non, bizarrement, non. Ah, le bâtard. j'ai vu ça sur Instagram, genre le... C'est le Ferrari français. Non, mais il y avait des teasings et il y a des gens dans les commentaires Instagram qui ont dit ah, c'est une livrée hommage pour Antoine Hubert. Et bah, qui... du coup, non, il y avait une grosse clim. Et du coup, dit comme ça, ça paraît comme c'est un pour le film Deadpool. De respect, mais non, bah. C'est Ryan Reynolds. Ah oui, c'est l'investisseur. C'est un investisseur, tu vois. C'est beau l'indépendance quand même. C'est-à-dire, c'est le seul moment de la saison où ils vont avoir une livrée totalement peinte, pratiquement. Oui, donc les performances, ça risque d'être quelque chose hein, quand même. Bon. Ils s'en foutent! Ils s'en ont plus rien à foutre! C'est vrai qu'il n'y en a plus rien à foutre. Non, mais honnêtement, Esteban Ocon a très bien senti le coup, il a bien fait de se barrer, même s'il s'est présenté comme étant lui qui s'est fait dégager. Gasly, je suis désolé, mais il fallait prévoir le coup parce que lui, bah, il a essayé de se barrer, hein, ce que j'ai compris, mais c'était déjà trop tard. Donc voilà. Pour le Gasly. Force à Gasly, Sainz, bon, on est encore en discussion potentielle avec Mercedes. Ça pourrait se faire si... Mais Antonelli, là, depuis quelques week-ends, il sort des performances assez monstrueuses. Mmh. Et là, son week-end... Bon, le samedi était trop optimiste, peut-être. Voilà. Parce que pour replacer le contexte, on l'a fait démarrer avec les pneus tendres pour la course sprint. Il a fait un début de course flamboyant, mais il finit combien du coup? Je sais pas, il est rentré au stand, donc il a fini hors des points. Quoi. Mais... Dixième. Il est classé dixième. Ah, quand même. Non, c'est Berman ça. Pardon, je me suis trompé. Quatorzième. Voilà. Mais par contre, le dimanche, course incroyable. Donc, est-ce qu'on va le placer ? Martins, moi, j'ai jamais été particulièrement fan du gars, mais le fait est qu'il fait quand même, depuis quelques week-ends, de sacrées performances, même depuis le début de saison. Hein. Ça passe à Imola, où il part du fond de grille. Ça passe un peu inaperçu, quoi. Ouais, c'est ce qui est malheureux. Mais là, son week-end a été excellent, deuxième place. Avec super gestion pneumatique, malheureusement, bon, bah, comme tu le dis, pas de budget, tout ça. Donc, et honnêtement, en plus, donc ça va pas aider. Des questions. Les prospects à surveiller en Formule 3, qu'est-ce que tu penses de la saison ? De la F3 ? Ouais. C'est une saison beaucoup plus intéressante que l'an passé, déjà. C'est plus régulier. Enfin, je veux dire, il y a moins de performances un peu incompréhensibles et globalement, les pilotes qu'on s'attend de voir performer performent. Du coup, on est un peu moins déstabilisé comparé à l'année passée où Bortoleto gagne et on ne sait pas trop d'où il sort. Là, on se dit, c'est un peu plus, peu plus logique. Le classement, il n'est pas à jour, non ? Il n'est pas dans l'ordre, surtout. C'est Mini qui est en tête, non ? Oui, c'est ouais. Ouais, non, et c'est juste que ça n'a pas été recentré. Si j'ai un seul prospect à retenir, c'est celui qui est, Harvey Lindblad, est le pilote le plus jeune du championnat et qui est le pilote le plus impressionnant. Je crois qu'il a déjà 4 victoires. Et surtout, ces victoires, il les a avec la manière. C'est le beau jeu, quoi. Enfin, franchement, il a cette vista, cette façon de dépasser, d'être offensif, etc. Alors, parfois, c'est peut-être un peu agressif sur les pneus, sur certaines courses. Mais Arvid Lindblad, c'est clairement le seul qui arrive à être vraiment impressionnant, beaucoup au-dessus des attentes que tout le monde avait, parce que normalement, il était censé se faire un peu taper par ses coéquipiers Beganovic et Mini, qu'on entend depuis plusieurs années, mais qui sont 2-3 ans plus âgés que lui. Et Arvid Lindblad, il arrive et il est tout simplement beaucoup plus impressionnant. C'est pas forcément un pilote parfaitement mature partout, mais bon, bah ça va venir avec le temps. Et pour en pilote que je vois potentiellement en F1 dans le futur, clairement, Lindblad, c'est le seul que je vois en F1 dans le futur. Et il est chez Red Bull. Chez Red Bull, voilà, c'est ce que j'allais demander. Faut savoir que il y a un article qui est prévu depuis des mois dans les brouillons de Formule Blabla pour faire une liste très claire de qui est où, mais déjà ça a beaucoup changé entre-temps et j'ai pas que ça à foutre. Alors non, je rigole, mais ça viendra un jour, ça peut être aidant. Mini, c'est vrai que moi j'en entendais beaucoup de bien il y a quelques temps, mais bon, après il est en tête du championnat, contrairement à ce que montre ce classement. Mais c'est, j'ai pas l'impression que c'est pas flamboyant. Ça me vend en fait. Pas du rêve. Ça voilà. Vend... Alors, il y a le week-end de Monaco où tous les ans il est exceptionnel, et là encore il a été exceptionnel. Mais en dehors de ça, bah c'est bien. Enfin, c'est pas. Il n'y a, ah, a pas un moment où tu te décolles de ta chaise, où tu te dis, purée, lui, quand Alpine va le mettre en F1, bon, déjà, il est chez Alpine, donc bon, force à lui. Oui, donc voilà, c'est fini. Mais enfin, voilà, c'est trop discret, en fait. C'est trop discret. Et il se fait un peu dominer par Lindblad, qui est un peu plus irrégulier, mais qui est rookie, alors que Minier est redoublant. Quoi. Un mot sur McTonif, si tu veux, un peu. Je sais que t'en fais un peu la. Non. Bah oui, enfin, je l'avais invité sur ma chaîne il y a quelques mois, après sa victoire à Imola. Bon, c'est un peu compliqué ces dernières semaines, on va pas se D'accord. cacher. Oui, parce que je... Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que bon, hein, pour présenter, tu ne caches pas du tout ton chauvinisme bien français. Non, et mais j'essaie d'être objectif quand même. Mais... Voilà, et ce qu'il y a, c'est que... tu en rigoles, bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est que à quel point ta hype autour de McTonif est objective ? Pour le demander non, bah en vrai, honnêtement, moi de mon côté, il n'y a jamais eu de hype McTonif. Il y a eu de la hype, il y a de la hype Adjar, Martins ou même d'autres pilotes qui sont actuellement en fréca un peu en dessous. McTonif, j'avoue que je ne l'ai jamais placé dans les top pilotes, même si pour moi c'est un très bon pilote. Et d'ailleurs, on l'a vu à certaines occasions. La saison n'est pas dégueulasse pour moi. Oui, la pour saison n'est pas dégueulasse. Mais c'est trop irrégulier et c'est déjà une critique qu'on lui faisait l'an dernier et encore il y a 2 ans et encore il y a 3 ans. C'est très très irrégulier. Oh non, c'est pas tout le temps de sa faute. Mais bon, c'est toujours les montagnes russes et il est capable du meilleur comme du pire. Et c'est vrai que quand il y a le meilleur, bah, on est trop content. Mais bon, malheureusement, ça arrive pas tous les jours non plus. Mais il a un talent. Je le vois pas en F1, même s'il met tout bout à bout, je pense que c'est trop juste. Mais il aura quand même, je pense, un bel avenir de pilote pro. C'est un pilote en plus qui est un pilote français qui est assez riche. Donc, en plus, il aura des chances de faire une grande carrière, une carrière plus tard, peut-être en endurance ou je sais pas où. Mais je pense qu'on entendra parler peut-être plus tard aux 24 heures du Mans ou que sais-je encore. Quoi. Moi, j'avais une question personnelle parce que il est arrivé ce week-end quelque chose d'assez dramatique pour moi, en tout cas. Okay. Est-ce que tu peux nous dire qui a terminé deuxième de la course sprint en F3 ? C'est le coéquipier de Bédrin chez BHM. Ah, Tassin Apolline Trapoufassac ? Oui, lui. Ouais. Non, mais non, du coup, ça va pas m'aider. Est-ce que tu t'es entraîné ? Honnêtement, Tassin Apolline Trapoufassac, ça va. Puisque c'est un pilote que j'entends parler déjà depuis 1 an, voire même peut-être 2 ans. Et ça va. Honnêtement, il y a bien pire. Alors, il y avait un pilote ouzbek. Un Trapoufassac. Ouais, ça va. Alors, qu'il y a beaucoup de H et de K. Ça fait peur. Ouais, c'est ça. C'est plus mais ça impressionnant. Mais en vrai, ça va. On a vu des noms plus courts qui font plus peur. Il y avait un ouzbek en F4 italienne qui s'appelait, je l'ai plus souvent, à peu près Ismail Kouja Ahmed Kojaev. Ah, tes souhaits. Voilà. Ça, ah, c'était bon, plus ça embêtant. Un Trapoufassac. Donc, tu vois, c'est une fois que tu as essayé, ça va. Ouais, tu le décomposes, il y a juste 4 syllabes. Un Trapoufassac. 5, pardon. Tranquille. Voilà, mais c'est voilà. C'est correct. Bon, il me le faudra sous le nez pour le dire, mais voilà. Aussi, question, la F1 Academy, puisque ça fait partie des formules de promotion qui suivent la F1 cette année. Ouais. Que penses-tu globalement de ce qu'on a vu pour le moment je vais afficher le classement qui est juste là, du coup, vu que je l'ai. Actuellement, il y a Abby Pooling qui est en train de piétiner tout ce qui passe sous sa semelle. Et derrière, on a Dorian Pain, Clay Chambers qui sont à égalité. Bon, à part la course à Jeddah, je me suis amusé à regarder. La course vrai, à Jeddah était chiante, c'est ce que je veux dire. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était chiant à regarder. Faut rappeler que ça reste un niveau 1. Si la F2, c'est niveau 10, la F1 Academy, c'est niveau 1. C'est, c'est vraiment le début de l'échelle, c'est de la F4. C'est de la F4, donc bon, on n'a pas forcément des courses de grande qualité, mais c'est attendu. En plus, il y a 16 voitures. Voilà, en plus, il n'y a pas non plus full. Mais si, en fait, je n'ai pas grand-chose à dire sur le championnat, parce que bon, alors, Abby Pooling, elle est très impressionnante, mais bah, je ne vais pas m'emballer, puisque l'an passé, elle a fait 5e ou 6e, où elle n'avait pas de victoire. Elle n'était pas deuxième ? Non, Abby Pooling, non. C'était Lena Buller qui était deuxième. Autant pour moi. Et bah, du coup, c'est un peu difficile de s'emballer, surtout que voilà, Abby Pooling, elle a commencé la monoplace en 2020 ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. On pouvait... Enfin, la pilote sur laquelle on pouvait potentiellement s'emballer, c'était Dorian Pain, vu que, évidemment, elle est française. Non. Oui, naturellement. Non, mais vu qu'elle avait gagné une course en F4 cet hiver, en F4 Emirati, qui rassemble les top pilotes des championnats italiens, espagnols, etc., elle était censée marcher sur la F1 Academy. C'est pas le cas. Maya Veug aussi, c'est une pilote qui a eu de très bons résultats en Freca, donc qui est la F3,5 en quelque sorte, et qui est redescendue en F1 Academy cette année. Elle était censée faire beaucoup mieux que 7e. Bon, j'ai aussi peut-être un peu l'impression que Préma passe à côté de son championnat, mais puisque normalement Dorian Pain et Maya Veug sont censés être plus hautes. Alors, l'excuse qu'on peut donner à Pain pour ce week-end médiocre en Espagne, c'est qu'elle sortait d'une blessure qui lui a fait rater les 24 heures du Mans, tout ça. Ouais, et qui lui a fait rater casser les côtes. Qui lui a fait rater des courses en Freca, etc. Donc, oui, il y a pas mal de. Et aussi, Dorian Pain, c'est sa première saison en monoplace. Il y a beaucoup de circuits qu'elle découvre, comme à Miami, alors que ses rivales, comme Abby Pooling, connaissent déjà le circuit, pour y avoir roulé en W Series, je crois. Donc, bon, il y a évidemment des circonstances atténuantes qu'on peut trouver à Dorian, mais le truc, c'est qu'on avait l'impression en début d'année qu'il n'y aurait pas besoin de circonstances atténuantes et que Dorian Pain, elle avait ce truc pour être vraiment au-dessus du lot. Et. Voilà, pour ne pas, elle devrait pas être rangée dans la même catégorie que Abby Pooling, que Maya Veug, etc. Malheureusement, bon, c'est pas trop le cas. Moi, j'admets que je suis beaucoup plus les médias britanniques globalement que français, parce que par habitude, j'ai été tellement dégoûté des médias francophones pendant la dernière décennie que je me suis tourné vers ce qu'il y avait à l'étranger. Et pour être honnête, j'ai pas l'impression que ça s'arrange beaucoup, sauf sur la scène plus indépendante. Mais enfin voilà, hein, pour je pense personne. Voilà. Non, mais voilà. Je pense au Racing Café. Voilà, je veux dire Racing Café. Ça leur fera plaisir. J'en aurais dit du bien. Non, mais plus sérieusement, voilà, j'ai plus l'habitude de suivre les médias anglophones. Et Dorian Pain, même eux la tiennent en assez bonne estime parce qu'elle a son palmarès, son endurance qui est pas mal. Déjà, elle avait, avant même ses débuts, elle avait impressionné qu'elle avait fait partie du Ferrari, je ne sais pas comment ça s'appelle, Challenge, je ne sais pas quoi là. Rising. Enfin, un truc qu'ils avaient fait. Et c'était pas Veug justement qui avait été retenu. Ouais, c'est Veug qui avait été retenu, certes, mais la plus rapide avait été Dorian Pain. Oui, voilà. Oui, justement, mais elle avait impressionné en tout cas. Et elle est dans l'Académie Mercedes et c'est pas pour rien, je pense aussi. Mais bref, voilà, est-ce que, puisque la question globalement tournait autour de, selon toi, la pertinence vis-à-vis de, du côté genré de la catégorie. Bon, je pense que tu penses que ça apporte quelque chose à l'heure actuelle et que ça se présente bien pour le moyen terme, long terme ? En vrai, je suis plutôt positif. Je pense que c'est bien pour mettre de la lumière sur ces jeunes pilotes, puisque ça donne des bonnes conditions pour performer, puisque il y a des pilotes qui viennent de F4 italienne, donc d'autres championnats de F4, style Tina Hausmann, par exemple, qui roule aujourd'hui chez Préma, mais qui... l'an passé en F4 italienne roulait chez AKM Motorsport qui est une équipe de Saint-Marin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, en performance pure, c'est pas les meilleurs, on va dire. Oui. Et le fait d'avoir ce championnat où il y a vraiment des équipes professionnelles de F2, de F3, même d'IndyCar pour Préma, ça donne vraiment des opportunités, ça permet de mettre en valeur et il y a des elles peuvent briller et elles peuvent ensuite avoir l'opportunité de passer dans des catégories supérieures en Freca, en GB3, dans des trucs comme ça un peu intermédiaires avant peut-être de la F3, peut-être de la F2, peut-être de la F1. Mais bon, voilà, c'est vraiment le premier échelon. Je trouve que c'est bien comme premier échelon. Et ensuite, par contre, il faut vraiment progresser dans les championnats au-dessus. De toute façon, le but était très clairement de donner une opportunité aux pilotes féminines qui veulent se lancer dans la professionnalisation en sport automobile. Donc, on vise des pilotes sortant en karting ou qui commencent en F4, tout ça. Donc, le plateau, c'est pas tout à fait ça. Enfin, comme tu le disais, il y a Pouling qui a déjà un peu d'expérience, Haussmann. Voilà, mais globalement, on rappelle que c'est les débuts, donc l'objectif, on ratisse un petit peu plus large pour remplir le plateau, mais aussi l'objectif était de donner une certaine visibilité, et je pense qu'on peut dire que c'est plus ou moins, les moyens sont mis dessus, puisque les équipes jouent le jeu. Non, mais c'est très bien. Enfin, ça donne des opportunités médiatiques, marketing, etc. Après, sur le point de vue sportif, c'est peut-être pas forcément le championnat le plus pertinent. Et c'est pour bien ça, d'ailleurs, il y a des pilotes en F1 Academy qui font d'autres championnats à côté. Abby Pouling, elle fait de la F4 britannique à côté. Il y a d'autres pilotes qui roulent dans d'autres championnats à côté de temps en temps, qui font des piges par-ci, par-là. C'est bien, puisque cet week-end, c'est peut-être un peu juste. C'est peut-être un peu juste pour vraiment former des pilotes sur une saison complète. Donc, c'est bien, c'est une bonne base. Maintenant, voilà, il faut que ces pilotes arrivent ensuite à progresser dans les catégories au-dessus. Ça, c'est pas encore gagné. Mais de toute façon, quand là, IB Pooling a totalement généré une grosse attention autour d'elle depuis le début de saison, grâce justement à la F1 Academy, mais justement à F4 britannique, elle est devenue la première femme à remporter une course dans cette catégorie, donc ça a encore contribué à attirer de l'attention, tout ça. Donc oui, tu peux te dire que sur l'ambition d'aider à construire des carrières, on part pas trop mal. Et puis voilà, je partage cette photo parce qu'en faisant du tri l'autre jour, je suis retombé dessus. C'était au Grand Prix d'Espagne où il y avait justement la F1 Academy. Donc, ils ont fait la petite photo. C'est des jeunes pilotes qui sont contentes. Bon, de toute façon, elles bossent déjà plus ou moins avec Ferrari, donc automatiquement. C'est Vega à droite, c'est ça. Et au centre, c'est Aurelia Nobles. Avec Puma, avec les couleurs de Puma, ouais. Qui est sponsor de Ferrari. D'accord. Et du coup, c'est cool. Il y a des jeunes pilotes qui sont avec des pilotes de Formule 1. C'est très cool. Ils sont contents. On veut dire, comme n'importe qui, tu prends n'importe quel pilote de F4 qui rejoint l'Académie Mercedes, il va faire son selfie avec Hamilton, il va être heureux, quoi. Voilà, oui. Donc c'est très cool. Ça fait plaisir. Et puis, on verra pour la suite ce que ça réserve. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions qui avaient été plus ou moins lâchées. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. La question, le replay sera disponible sur Blabla F1 VOD sur YouTube. Non. Il y a deux chaînes, en fait. Ouais. Formule Blabla, la chaîne sur laquelle on est en live sur YouTube et sur Twitch. Ouais. Mais quand j'ai fait une chaîne de replay parce que j'avais plus envie d'inonder ma chaîne YouTube des lives, tout ça, j'ai fait une chaîne Blabla F1 VOD. Je me suis dit, comment je l'appelle ? Eh bien, pour faire chier, je l'appelle Blabla F1. Merde. Et ouais, parce que en fait, qu'ils aillent... J'aurais jamais dû changer le nom. J'aurais jamais dû céder. Les répercussions que tu aurais pu avoir, en fait. En fait, je sais pas. Ta chaîne Twitch s'appelle Percy F1. Ouais. En vrai, ils vont te laisser tranquille. Moi, la connerie que j'ai faite, c'est que j'ai fait un site internet, Blabla F1. Et automatiquement. C'est tombé dans les catégories d'alerte de la F1, parce qu'ils ont vu F1. En nom de domaine, ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait un shop Blabla F1, ils se sont dit activité commerciale, ils sont tombés dessus. Et le truc, c'est que si demain tu reçois un mail de la FOM qui te dit, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'utiliser dans leur mail, ils m'ont dit « j'ai plus le droit dans mes vidéos de commencer par Grand Prix, par Formule 1, par F1, par GP. Tout nom, toute entité possédée par machin truc, je n'ai pas le droit de l'utiliser. » Je ne sais pas si j'ai encore le mail, mais voilà ce qui m'a été dit. Et tu vois, forcément, quand tu reçois ça, bon, ça te fait chier, surtout, je sais pas, j'avais genre 20 000 abonnés, tout ça, je passais tout, je me dis, merde, attends, je ne vais pas faire une nouvelle chaîne à cause de ça. Et il y avait Stardust et Rupteur qui m'avaient grave soutenu et tout. Et Stardust, qui est très dans la défense des créateurs, m'avait dit, écoute, tu renommes ta chaîne pas il m'a dit, tu t'appelles Blabla F1. Tu te rappelles Blabla F1 en un seul mot. Et là, ils peuvent rien dire légalement. Ou Blabla F. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, allez, c'est bon. Tu sais, je me suis dit, je veux pas. Mais, et tu vois, avec le recul, je me dis, allez vous faire voir. Allez vous faire voir. Parce que franchement, ils sont. Tu sais, c'était le début de la phase Netflix. Ils étaient dans l'ouverture, tout ça, aux créateurs, tout machin. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils font de la F1, je dis, allez vous faire foutre. Vraiment. J'en ai rien à foutre. Parce que. En plus, tu vois, quand je me fais claim des vidéos pour infraction au droit d'auteur, normalement, ça tombe sous le truc du... comment ça s'appelle, là, le... domaine public ? Le fair use. Parce que, si tu veux, quand je fais une review de une heure, je publie pas leur contenu pendant une heure. J'ai écrit un scénario de 35 pages. Et je parle dessus et j'illustre. Voilà, Blabla et FIA, ouais. Ouais, non, mais voilà, c'est bon, là, je vais avoir des problèmes. Mais tout ça pour dire que, voilà, Blabla F1, VOD. Comme ça, là, s'ils veulent me faire chier, allez faire fermer la chaîne, j'en aurai rien à foutre. Toi, tu veux un selfie avec Stroll, Josué. Oh là là. Non, mais chacun ses ambitions dans la vie. Chacun ses ambitions. Eh bien, je propose de vous laisser aussi... je vais faire un petit tour dans le chat, voir s'il y a des trucs que vous voulez qu'on aborde. Moi, j'avais dit qu'on pourrait finir à peu près de faire un tour de la scène transférienne, puisque, pour rappeler un petit peu tout ce qui reste, je vais me le remettre sous les yeux, on a parlé en début d'émission de Red Bull, naturellement. Chez Haas, semble-t-il que c'est fait, avec donc Berman qui a été officialisé, et Esteban Ocon, selon quelqu'un que je ne citerai pas, sera officialisé ce soir, tweet qui a été posté hier soir. Dans tous les cas, on croit comprendre que c'est déjà fait. Et est-ce que je vais le retrouver, bordel ? Ah, voilà. Ça fermerait les possibilités, du coup, chez Haas, et pour retrouver du coup ce qui nous resterait à prendre, une place chez Quicksauber. Alors, c'est qui le favori merde, merci. J'ai fourché, mince. Honnêtement, c'est le truc le plus incompréhensible, parce que du coup, je vois pas Sainz y aller. Je vois pas Bottas y rester. Ah non, vu la manière dont c'est en interne, il va pas rester, je crois. Ouais, en fait, je me dis peut-être que Guan Yu Zhou, il a ses chances de rester en vrai. Hein. Vu comme c'est parti, ouais, mais voilà la gueule du projet Audi. C'est vrai que quand tu ramènes Mattia Binotto, tu peux bien garder Guan Yu Zhou. Oui, tant qu'à faire, hein, on n'est plus à ça près. Après, il y a peut-être, alors qu'on a perdu, pourquoi moi j'ai perdu. Non, j'ai juste coupé ma caméra, je suis là. Okay. Bah écoutez, bienvenue sur cette chaîne de live Percy F1. Je me dis, peut-être il y a une potentialité Sergio Pérez en fait. Il y a un monde où Sergio Pérez il se retrouve libre, où il retrouve la maison Sauber, et on se retrouve avec un duo Hülkenberg-Pérez. Mais bon, un duo Hülkenberg-Pérez, ça fait un peu Force India sur les bords, c'est peut-être pas super vendeur. Mais bon, est-ce que Audi a possibilité de faire la fine bouche ? Je sais pas forcément. Ouais, le duo de pré-retraite, c'est un peu ça, hein, quand même. Dans un monde idéal, moi j'aimerais. Moi, dans un monde idéal, Théo Pourchaire ferait sens pour 36 000 raisons, Voilà, la Oui, non, mais continuité, je te l'air de rien, rejoins. puisqu'il est troisième pilote, c'est un jeune pilote, le duo avec Hülkenberg, c'est le mix d'expérience, de jeunesse, le gars, il est champion de F2, tu as dépensé des millions et des millions d'euros sur lui depuis des années, pour un petit retour sur investissement à un moment. Mais Allez, voilà, la blague, c'est que apparemment, à l'Unibravi, serait plutôt pour, de ce que je comprends. Mais c'est le clan Audi Ouais, Audi, qui ouais. bon. Ouais, mais Non. pour mettre qui du coup à la place? Puisque quand Ouais. ça parlait de Non, mais c'est Sainz ça ou qui est drôle. d'Ocon, quand ça parlait de Sainz ou d'Ocon, je me suis dit, bon, ok, je peux Ça se comprendre comprend, ouais, que Sainz ou totalement. Ocon passe devant, mais là, maintenant, il reste plus personne, franchement, donc Ouais, je mais sais pas. Drugovic avec une mallette, mais à ce moment-là, mais c'est bon, quoi. Moi, j'ai envie de voir Drugo en F1, attention, hein. Oui. Mais là, je me place du point de vue d'Audi, mais je dis, mais c'est bon, en fait. Arrêtez tout. Non, mais sérieux, arrêtez tout. Arrêtez tout. Redevenez client Ferrari, et c'est bon, Ah, quoi. c'est pas vendeur alors que Théo Pourchaire, même s'il a été champion de F2 sur sa troisième saison et qu'il a déjà un pied dans la tonde, Théo Pourchaire, il a 20 ans. Je veux dire, En tu fait, peux ce qu'il y a, si enfin. tu vends, ouais, mais si tu vends ton projet, en fait, avec un Théo Pourchaire, même si tu n'y crois pas, tu peux au moins faire semblant Bah ouais. d'avoir un prospect d'avenir en Formule 1. Et puis tu peux te dire, enfin ouais, on a misé sur lui depuis des années, on avait tout préparé, vous en faites pas, etc. Enfin, on a prévu le projet Théo Pourchaire depuis des années, et puis au pire, si ça flop, bah vous critiquerez Théo Pourchaire, et puis Voilà. voilà. Mais enfin, Et puis ils auront là le en temps de se l'état. retourner d'ici 2026-2027 Ouais, voilà. et de prendre quelqu'un d'autre. Ouais, Y aura... enfin, ça... Surtout enfin, que, honnêtement, l'an prochain, eh, ça va encore jouer le fond de plateau. Donc, Bah, on aura peut-être des batailles pour Cher Antonelli pour la P19, hein, on ne sait pas. Allez, on en rêve. Pourquoi? Pour Cher, non, bon, bah, ça, on a expliqué. Hein. Mais en attendant, comme j'en plaisantais hier quand je suis passé te voir, Pour Cher est pris très au sérieux dans le milieu parce que McLaren vient de le prendre deux fois comme remplaçant, pour remplacer deux pilotes différents après lui avoir signé un contrat pour finir l'année où il s'est fait dégager pour un pilote payant. Un contrat pluriannuel, hein. Il avait signé un contrat Oui, c'était pluriannuel. pluriannuel en plus, putain, génial. Incroyable. Non, mais c'est dégueulasse. Non, mais la gestion chez McLaren en IndyCar, apparemment, c'est une catastrophe. C'est exceptionnel, ouais. Tout ça pour dire que, bon, voilà, ça pose à peu près les bases. Et c'est incompréhensible. Zane Maloney, moi, j'ai envie de dire, Non, c'est encore plus si tu fort. prends C'est pas pour encore plus cher, fort que. si tu prends pas pour cher, tu prends pas Maloney, en fait. Non, C'est mais sûr. a priori, non, c'est mort. De ce que j'avais compris, je pense que Maloney, il va aller vers l'IndyCar, je Théo crois. bouge trop cher. Bouge trop cher. Mais Maloney, c'est encore plus mort que Théo Pourchaire. Hein. Danny Ric. En vrai, j'ai pas pensé, mais ouais, pourquoi pas? Je Ah, mais sors la ça fait carte vraiment. du pourquoi pas. Ouais, mais ça fait vraiment. Enfin, c'est comme Hülkenberg-Pérez, en fait. C'est deux Oui. pilotes en fin de carrière et qui ont déjà été coéquipiers. Du coup, ouais, t'as le duo Renault de 2019. Oui, mais si tu veux, j'ai envie de dire, quand l'alternative que tu proposes, c'est de garder Joe, à ce moment-là, je cherchais Ricardo, tu vois. Pas faux, dit comme ça, ouais. Parce que bon, l'excuse du marché et tout, voilà. Ouais, oui, mais je suis d'accord, l'Académie Sauber, c'est une blague pour moi. L'Académie Sauber, c'est... J'ai jamais compris pourquoi ça existait, ce truc, pour être honnête. Ça a juste aucun sens. Ça. Parce qu'on avait qui il y a quelques années? Bah, c'était Correa et Calderon. Ouais. Et oui, c'était Correa Calderon, leur académie il y a quelques temps. J'oublie personne. Ouais. Peut-être pour Cher et arriver après. Puisqu'il y avait des trucs avec. En fait, il y a eu un moment où c'était en coopération avec Ferrari, et du coup, c'était un statut un peu bizarre, puisqu'il y avait aussi. Oui, c'est vrai. Des gens Bah, compétents, notamment Aylott. comme Callum Ilott ou ouais. Ouais, bien sûr. Et oui, tu savais pas vraiment la différence entre la FDA et la Sauber Academy. Et oui, Aylott était à Ferrari à un moment. Ouais. Et ça me rappelle une question que je voulais aborder, que j'ai totalement zappé, l'enjeu nullitique de la F2 actuelle, c'est que depuis 3-4 ans, la F2 est devenue un meilleur feeder à l'IndyCar qu'à la F1. Ouais. Et ça se passe pas trop mal, hein, quand tu regardes. Ilott, ça a mal tourné pour des raisons extra-sportives. Mais l'ancien prospect danois de Renault, là. Lundgaard, se débrouille pas mal. Pour Cher, justement, bah, j'en ai parlé. Faudrait que je prenne la grille d'IndyCar parce que je la connais pas assez, mais il y en a pas mal. IndyCar 2024 Driver, je vais le chercher parce que voilà à quel point je suis bien préparé. Santino Ferrucci, ancien pilote de F2. Ah bah oui, Ferrucci, purée. Alors, Ferrucci ou Ericsson, Pato Ward, ouais, est-ce qu'il compte Pato Ward? Non. Attends, pas Howard. Howard, formation française. Hein. Il a fait de la F4 française, hein, Patricio Howard. Oui, mais parce que je sais qu'il a une formation en Europe aussi, Howard. Ouais. Comme Alex Rossi, il est passé un peu en Europe. En vrai, pour moi, ça compte pas, parce que je pense qu'il a fait quoi? Une course, deux courses en F2? Ouais, pas des masques. Marcus Armstrong, ancien de la FDA aussi. Ouais. Oui, totalement. Ça fait pas mal. Luca Giotto a fait des courses en IndyCar. Je savais même pas. Ou je l'avais oublié. Ouais. Avec Delcoin Racing. Ok. Ah bah oui, après Delcoin, ils ont testé tous les pilotes. Donc, Oui, mais bon, Luca Giotto a fait passage. Tom Blomqvist. Ouais. Je sais pas s'il y était déjà, mais voilà, Felix Rosenqvist. Fittipaldi, bon, il était déjà. Christian Lundgaard, je vous l'ai dit. Ouais, donc voilà. Bon, ça fait quand même quelques dons hein, de ces dernières années qui ont fini là-bas. Donc c'est marrant. Je vois Philips aussi qui a fait des pourchères, qui a fait des piges, bordel. C'est quelque chose. Donc ouais, c'est triste à la fois et c'est drôle, mais c'est cool. C'est drôle parce que tu te dis que la F2 doit servir de feeder à la F1. Elle a été formée pour. Après, ouais, ça sert de feeder à tout en fait. Hein. Quand t'es pilote en F2. Ça veut dire que ou soit t'as le budget, ou soit t'as le talent, ou soit t'as les deux pour les meilleurs, d'aller un peu partout en fait. Donc, oui, bien sûr. Donc c'est ça. Mais, c'est sûr que c'est mieux qu'il y a quelques années où ça remplissait les lignes de la Formule I. Alors c'est devenu le cas pour vraiment les rejets comme Dan Ticktum. Mais à part ça. On souhaite à personne, à aucun pilote de F2, on souhaite à aucun pilote de F2 de finir en F1, ou alors d'y finir après une longue carrière en Formule 1 ou en IndyCar. Oui, ça. Mais voilà, pour finir les carrières, c'est très... Bordel. Alors, bon, je fais une grosse parenthèse. Tu suis, toi, la F1? Je suivais, anciennement dans le temps, mais plus trop maintenant. Parce que, quand même, ça me fait marrer. Pascal Verlaine qui vient de gagner le titre. Ouais, j'ai vu ça. J'avais complètement perdu de vue, mais c'est chouette pour lui. Mais en fait, à quel moment tu peux ne pas te dire que tu es une catégorie des rejets de l'F1 quand tu as ce palmarès là. J'essaye de reprendre tous les champions qu'il y a eu. Sébastien Buemi, Lucas Di Grassi, ouais. Antonio Félix da Costa. Bon, il n'a pas fait de l'F1, mais c'est un ancien de la Red Bull Junior Team. Jean-Éric Vergne, Van Dorn, Nelsinho Piquet, il a gagné, lui, je crois. Ouais, la première année, ouais. Ouais, purée, mais quelle honte. Voilà, et quand tu regardes les autres vainqueurs que tu as eus, tu vas prendre Jake Dennis, Pascal Wehrlein, du coup, Nick De Vries, qui a gagné du titre, qui a rejeté de la F1, mais lui, il a fait le chemin inverse. Jérôme D'Ambrosio, enfin voilà, c'est quand même assez lunaire. Mais c'était la petite parenthèse. Ouais, Verne, bah, je l'ai mentionné même, je pense. Voilà. Taylor Barnard aussi, d'accord. Daruvala, mais oui, Daruvala. Mais là, j'ai nommé que quelques-uns, hein, mais voilà le palmarès. C'est pour ça. Quand je pense à Alex Albon qui aurait pu finir là-bas, je me dis franchement, je suis content qu'il ait pu finir. Ouais, c'est vrai, oui. Oh là là. Ouais, il avait signé avec Nissan et tout. À quoi ça tient? Ouais, non, mais c'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de malade. Alors que tu regardes aujourd'hui, il a un contrat pluriannuel avec Williams. Ouais. C'est la tête du projet. Enfin, voilà. Bon, je vais, on va aller prendre le goûter maintenant. Donc, merci, si tu veux faire un petit instant auto-promotionnel. Eh bien, si vous avez bien aimé quand je parlais de Tassanapol Intrapoufassak ou d'Ismail Kujak Medkojaev, et que vous aimez bien voir les pilotes français, voir les pépites de demain, genre Antonelli, les Lindblad, les gens comme ça, venez chez moi, Percy F1 sur Twitch, Percy Wolf, Wol2F sur Twitter. Et Eh voilà, bien, j'écris des articles sur feederseries.net. Et voilà, je parle de formules de promotion un peu tout le temps. Et voilà. ouais, On est bien. j'ai mis le lien de ton X J'ai vu, dans c'est le très chat. gentil. Et ouais, Feeder Series, ça aussi, c'est une ça fait un moment que tu es Bah ouais, c'était là. 6 mois après avoir, ouais, 6 mois après avoir rejoint Team. Ouais, Donc, j'aurais. ouais, ça fait. Ouh, ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans que Ouais. je suis là pour Feeder Series. Non, parce que ouais, Feeder Series, pareil, si vous n'êtes pas anglophobe et que vous voulez vous intéresser aux catégories de promotion, c'est probablement eux qui font le meilleur boulot. Après, j'ai envie de dire, ils ont un peu le monopole du genre. On n'a pas le monopole, mais voilà, on est plus présent sur les Mais réseaux je veux sociaux que dire, les face autres. à certains comptes actu underscore catégorie de promotion. C'est quand même un travail sérieux qui est fait, qui est bien renseigné. Enfin voilà, il y a du vrai, c'est du vrai journalisme. Ça, c'est gentil. Alors qu'aucun de nous n'est journaliste, en tout cas. Oui, Enfin, et on l'est puis pas il y a le vraiment. podcast aussi en plus. J'ai pas de carte de Enfin, presse, hein. On le ouais, rappelle. cette carte de presse. Mais voilà. Donc et toi, donc tu fais en moyenne au moins un live après les week-ends, quelque chose comme ça, Ouais. non? Et parfois des lives pendant les week-ends. Bon, là, vu que c'est mon enterrement de vie de jeune garçon, voilà, je sais pas ce qui va se passer ce week-end. Mais live vendredi, par exemple, live vendredi pour les qualifs F3, F2. Voilà. Donc Oh bah si vous voulez voilà. passer Oui, c'est vrai que vendredi tu lives aussi pendant les 15h, week-ends quand tu peux. quand je Ah, peux, c'est. ouais. Et sinon, au pire, il y a une preview, un débrief. Parfois, on interview des pilotes, comme Samy Mektounif la dernière fois. Bon, ça lui a pas porté chance, mais les précédents, ça leur avait porté chance. Donc voilà, venez, on est bien. On fait des lives blabla. Voilà, aussi, on parle de tout et de n'importe quoi. Et du mercato F1 aussi, parfois, de temps en temps. Alors par contre, je suis désolé hein, de devoir étirer le live. Mais deux choses. De un, en tant que fan de F1, je suis obligé d'insulter ceux qui emploient le terme mercato. Enfin, c'est un Ah, terme de foot. C'est pas un aïe, terme aïe, de aïe. F1. Le marché, la silly season. La Voilà, silly la season, silly j'aime pas season, le. marché. Ouais, mais j'aime pas les anglicismes comme ça. Le Ouais, mercato, marché c'est des un transferts. espagnisme. Ouais, c'est encore mieux. Eh bien, le marché des transferts F1. Voilà. Et j'ai le monopole du blabla, par C'est contre. vrai. Il y a un Les moment, lives si... détente, chill, où on Voilà. parle de tout. Il y a un moment, Et. si l'iPhone me fait chier, j'ai le droit de faire chier les autres. Blabla copyright. Ouais, non, mais je plaisante, bien sûr. Et Formula Scout, bien sûr, j'ai fait un bisou, je les ai oubliés, mais ils font aussi du bon. Sont très très bons aussi. Mais un peu moins présent peut-être sur les réseaux, j'ai l'impression. Donc c'est Bah, c'est peut-être pour ça. ça que. Voilà. Des gros bisous à tout le monde. Merci encore à Percy d'avoir accordé quelques heures de ton mercredi après-midi. Merci à tout le monde. Encore une fois, si vous nous rattrapez en cours, ce sera en public dans quelques secondes sur Blabla F1 VOD. Et ce sera passé en non répertorié sur Blabla F1, sur Formule Blabla. Et des gros bisous et à très bientôt. Bye bye. Allez, au revoir!